bienvenue dans ce tout nouveau podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Un podcast à la technique un petit peu approximative hein, quand même, parce qu'on est, on aime ça faire des tests. Donc, je suis Sartman. Je vous dis déjà le bonsoir à tous et à toutes. Nouveau numéro du podcast Pourquoi Buffy c'est génial, numéro 31. Je suis accompagné de Riley, toujours là. Bonsoir. Mais pas de Clément. Oui, Clément. Où est Clément ? Il paraît qu'il est à la Réunion. Alors, immédiatement, appelons. Présente les autres. Appelons Clément. Non, moi je veux savoir où est Clément. Clément, tu es où ? Oui, il est à Clément. Clément, où es-tu ? J'appelle immédiatement Clément. Allô, Clément ? Clément ? Allô ? Oui. Ah Clément. Oui, bonsoir. Bon, Clément, ouais. Tu es où là ? On a commencé le podcast, tu es où ? Vous faites un podcast ce soir ? Ben oui, on t'attend, tu es où là ? Ah merde, ben non, j'ai un petit. Non, là je suis en Guadeloupe. En Guadeloupe, on avait dit à Réunion. Ah ben désolé, j'ai dû me gourer dans les dates. Ah non, mais je suis en Guadeloupe, je pourrais pas venir ce soir, les gars, désolé. Le chat te dit bonjour en tout cas. Donc, Et t'es un peu déçu. Bah ouais, on est très déçus. Donc oui, j'ai vu. Un gros bisou, chat. Ça fait vraiment plaisir. Donc tu vas vraiment pas commenter les vidéos avec nous. Tu peux le dire. Tu vas. Voilà, tu n'es pas tout seul. Il y a des gens donc avec toi. C'est un scandale. Oui, c'est de la famille de Clément. On est c'est une petite réunion de démons, donc très bien. Vous êtes sur la plage. Bon. Une réunion de démons et on bronze sur la plage. Bah, on en avait un peu besoin, tu vois. Normal. Oui, normal. Vous avez un bronze sur la plage. Il y a quelqu'un qui a fait une blague là, mais c'est hors champ. C'est le décalage horaire. Bon, ben Clément, on va te laisser. Alors, on va te laisser. Il est chez vous. Il est 21h, bien sûr. Donc, on va poursuivre. J'ai adoré faire ce duplex. Gros bisous. C'est original. Gros bisous, Clément. À plus. Ouais, gros bisous à tout le monde. Bonne soirée, bon podcast. Tu vas sur le chat. Tu vas sur le chat. Bah en fait ça marche pas, ça arrête pas de se déconnecter, du coup je sais pas, ouais. Mais je vais essayer de suivre. Y'a pas la 4G à la Guadeloupe. Eh gros bisous. Y'a pas la 4G. A plus. Eh gros bisous. Tchuss. A plus, ciao. Moi j'ai adoré faire ce petit duplex. Et donc vu que Clément n'est pas là, nous avons trouvé pour le remplacer formidablement bien. Carole, comment ça va Carole ? Ça va très bien, bonsoir. Carole, donc que les habitués du podcast connaissent très bien, tu es la rédactrice de Clap. Tout à fait. Chef de Clap. Toujours, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu étais notre première invitée. Alors tu as été notre première invitée. Au 11. 11, ah oui. Tout à fait, on avait parlé de l'épisode Superstar. Exactement. Tu as une très bonne mémoire des chiffres, Riley. Excellent épisode au passage. Tu étais aussi venu lors de la soirée au dernier bar avant la fin du monde aussi. Tout à fait. Nous avions débattu largement et chanté à gorge déployée. C'est vrai qu'on avait beaucoup chanté, c'était très très bien. Et alors, donc mes deux chroniqueurs et chroniqueuses, donc exceptionnellement pour m'accompagner. Et nous avons aussi des invités, donc podcast complètement exceptionnel. Nous accueillons aujourd'hui donc Orjan et Phébé. Comment ça va, messieurs dames ? Alors c'est une question très très complexe à laquelle je ne peux pas répondre très rapidement. Voilà. Généralement les gens disent oui, ça va très bien, mais après. Mais attends, c'est méta parce que cette phrase-là vient d'une série que je vais évoquer un peu plus tard dans le podcast. Donc tu vois. Je mets déjà des choses en place, pas mal. Tente des trucs, pas mal. Je suis présent. Pas mal. Donc ça, c'était Orjan. Et Phébé, toi, ça va super ? Oui, moi, ça va super. D'accord, très bien. Ça, c'est une invitée bien élevée, tu vois, qui sait répondre aux questions de manière... Mais ça, je sais pas faire. De manière concise. Est-ce qu'il serait, parce que là, on a fait une introduction beaucoup trop longue, est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit sommaire, mon petit Riley ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est parti. Alors ce soir, je crois que tu l'as teasé sur internet, on parle de I only have eyes for you. C'est comme ça qu'on dit, quand on parle extrêmement bien anglais. Donc l'épisode 19 de la saison 2, la soirée de Sadie Hawkins, on va parler d'amour évidemment. Hein. On va parler de mise en scène, hein, mais cette fois-ci en bien, parce que je crois que dans les deux dernières, on disait que c'était pas bien filmé. Tout. Bon, bref. Tout à fait, là c'est un épisode extrêmement bien réalisé. Tout à fait. On va parler de fantômes, on va parler de films d'horreur. Hein. On va parler de Sadie Hawkins. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Son passé ? Où va-t-elle ? On va parler de musique, de faux raccords. On va parler de biographie de réalisateurs. Et on parle de même de concepts bouddhiques, si vous êtes sage. Ah bon ? Ah, carrément. Et oui, carrément. Tise à fond. Je tisse complètement. Est-ce qu'on va parler d'autre chose ? Bah, il y aura des coups de cœur, il y aura des biographies, non, c'est pas ça, on va parler de cinéma aussi, on va parler de films, je crois, et de séries. On va parler de séries, même de littérature. Ça va être complètement fou. Je vous rappelle le principe de ce podcast, nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy, nous regardons l'épisode en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Vous êtes impeccable, je vous aime. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict et tous les sites que vous utilisez pour écouter des podcasts. D'ailleurs, si vous rendez compte que Pourquoi Buffy c'est génial n'est pas présent sur votre site préféré d'écoutage de podcast, vous nous dites et on se chargera de le mettre. On a le droit de parler d'endroits ou d'applications où on a trouvé Pourquoi Buffy, on ne savait pas que ça y était. Vas-y. Bah oui, dis-nous. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je me suis mis à Deezer. Ouais, normalement. Vous êtes à la bourre et vous êtes sur Deezer, c'est trop cool. Sur Deezer. Voilà. Juste, c'est génial. Fait. On a un partenariat qui rapporte beaucoup d'argent. Qui nous a coûté un petit peu cher. C'est l'inverse. J'ai dû vendre une propriété à Miami. Mais en Sarthe, tu veux dire. Deux, trois comptes offshore, il me semble. C'est ça. Un château en Sarthe, c'est pas ça que t'as vendu? J'ai un château en Sarthe. Ah, t'as fait affaire avec ton père. Mais en Sarthe, tout se règle en famille, donc tout va bien. Chacun sa mafia. Tout va bien de ce côté-là. Donc, on est aussi en vidéo sur Dailymotion. Et de toute façon, si vous voulez les liens, à chaque fois, vous allez sur le blog pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com, dans lequel vous avez tous nos liens. Et aussi avec nos sites partenaires Slayer Revival, Buffy Angel Show et Cinéma Radio. J'ai bien envie, là, je ne sais pas ce qui m'arrive là, j'ai bien envie de parler gros bisous. Ça vous dit à vous? C'est une pulsion. Ça serait. Les gros bisous et c'est parti. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her. Yeah. And raise you a yeah. She bathed you. Nothing can defeat the penis. Alors, des gros bisous. Déjà, on va commencer un gros bisou par une déception. Pas de nouveaux gros bisous iTunes. Généralement, vous savez, on fait des gros bisous à nos auditeurs qui nous mettent des étoiles et des commentaires sur iTunes. Ben, personne n'a eu la bonne idée d'en mettre, donc on est déception. C'est une façon de réclamer des messages. C'est une façon de quémander un petit peu, de faire le crevard. je t'avoue que c'est ça. Par contre, on va faire des vrais gros bisous à Aurélie, qui a parlé très bien de Buffy et aussi de nous sur Facebook. Des bisous à Anna Rose aussi pour un message Facebook, à Fanny pour un message Twitter. Tout à fait. Moi je fais des gros bisous aux gens qui communiquent avec moi. J'aime bien qu'on communique avec moi. D'ailleurs avec Fanny on prépare un petit truc. De type événement quoi. Ah, c'est intéressant. Mon collègue événementiel n'est pas là, donc. Mais je crois qu'il est à la Guadeloupe, je crois. Donc c'est compliqué. On va aussi faire un gros bisou à Blandine qui nous avait envoyé un mail aussi qui était très très sympa. Un gros bisou à Feel Good de PodCloud. PodCloud qui est le site référence pour les podcasts indépendants français. Ils font du super boulot chez PodCloud et Feel Good. Il y a tous les podcasts sur PodCloud. Quasiment. Ouais. Et en plus, il a eu la bonne idée de parler de nous à quelqu'un sur les internets aussi. Donc, gros bisous à lui. Et est-ce que vous aviez des gros bisous? Raya, tu avais des gros bisous, je crois. Déjà, gros bisous à Clément, mais ça, c'est bon. Ça s'est fait par téléphone. On avait un gros bisou à Dom Pinelli et son groupe Buffy Maniac. Ah oui, c'est sur Facebook, il y a un groupe de fans de Buffy où il y a plein de monde. Il y a plus de 3000 personnes, je crois. Et qui a partagé nos podcasts, donc c'est vraiment sympa. Et un gros bisou à Lily Nelson qui a fait un article 3 podcasts à écouter dans le métro. Et figurez-vous que le nôtre est dans les 3. Le blog s'appelle Girlitude. Voilà. On l'a retweeté, je pense. Et tout à fait. Et donc elle parle aussi de la fucking kermesse et de 2 heures de perdu. De très bons podcasts aussi. La fucking kermesse, c'est le futur. C'est le futur. C'est que de l'amour. Reste là-dessus. La fucking kermesse, c'est le futur, c'est parfait. Ils ont explosé Internet avec leur Ulule. Oui, complètement. Or, Jean, au lieu de dire des grosses bêtises, est-ce que tu as des gros bisous? J'ai tellement de gros bisous à faire que ça prendrait beaucoup trop de temps. D'accord. Je vais tout simplement faire de très gros bisous à tous ceux qui nous écoutent actuellement. D'accord. Et à tous ceux qui nous écouteront dans le podcast une fois qu'il sera monté et téléchargé. Et voilà tout ça. Et il me semble que Phébé a des gros bisous à faire très très importants. Nous t'écoutons. Le teasing. Nous t'écoutons. Incroyable. Moi, je tenais juste à faire un gros bisou à ma petite sœur qui va pas extrêmement bien en ce moment. Donc voilà, je voulais lui faire un gros bisou pour lui remonter un petit peu le moral. Alors, voilà. On promet de faire plein de blagues pour remonter le moral. C'est le défi de ce soir. Donc Riley, que des bonnes blagues. Hein. Ok, mais Clément n'est pas là quand même. Alors moi, je m'en fais une mission personnelle. Et gros bisous, Calista. Carole, des gros bisous peut-être. Oui, gros bisous à Solène qui avait été ma partenaire sur la conférence Buffy cet été où nous avions parlé des vampires dans Buffy à la Bellevilloise. Une très grande conférence sous la torpeur de l'été, en espérant qu'on ait très rapidement l'occasion de parler et d'écrire à nouveau sur Buffy ensemble. Et un gros bisou à mes étudiants de 3e année de licence à l'université de Nanterre qui ont supporté ce matin 2 heures de cours magistral sur Joss Whedon. Supporté, non. Non, adoré. Je pense qu'ils ont adoré, mais je pense que je suis pas sûre d'avoir pas perdu quelques personnes en route vu la passion et la densité des informations fournies. Ça devait être génial. Voilà, je me suis un petit peu emballée et voilà, je leur souhaite bon courage pour tous les épisodes de Buffy que je leur ai demandé à regarder pendant 15 jours. Ah oui, d'accord. Ils ont des devoirs. Ah ouais, ils ont des devoirs incroyables à faire. Mais un cours passionné, ils sont pas habitués, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut s'inscrire à tes cours encore ? Bah, vous pouvez venir en auditeur libre. Alors, mon cours sur les séries télé a. En revanche, lieu le vendredi matin à 8h20. Je vous avoue que même pour moi, ça pique un peu. Et est-ce qu'on peut te refaire tout Once More With Feeling en live pendant tes cours? Ou est-ce que c'est impossible? Challenge accepted. Oh putain! Est-ce qu'on est bon en gros bisous? La rubrique suivante, c'est parti? Attention, la rubrique suivante, on refait le match. S'il vous plaît, mais arrêtez de parler tout le temps, je vous assure, c'est insupportable. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Donc je vous rappelle le principe de cette petite rubrique. C'est une rubrique qui n'a pas souvent lieu d'être parce que c'est dans laquelle où on revient sur des erreurs éventuelles qu'on ça n'arrive ouais, quasiment jamais. Quasiment jamais, c'est totalement exceptionnel. Ou des approfondissements qu'on voulait faire sur d'anciens numéros. Il se trouve que dans le dernier numéro, au moment où il a été question de Docteur Who... Alors là, il fait son mea culpa, attention. Non, pas complètement. On a parlé de Doctor Who, bref. Et moi, tout fier, je dis à Riley, donc qui aime beaucoup Doctor Who, et que moi, je n'aime pas cette série. Je lui dis, Joss Whedon est comme moi, il trouve que cette série est à chier, tout ça. J'étais très content. Et en fait, ce n'est pas vrai. Et Nico, qui a bien évidemment... Fidèle auditeur, Nico, conseil. Fidèle auditeur, gros et gros fan de Buffy, a mesuré mes propos en m'expliquant que oui, j'avais un peu fait preuve de mauvaise foi, je m'en doutais aussi un petit peu. C'est rare, c'est rare. C'est un peu rare. Et il est vrai que dans cette fameuse biographie dont on parlait de Joss Whedon, écrit par Amy Pascal, à un moment donné, donc page 210, hein, pour ceux que ça intéresse. Je vais lire le passage. L'escroc, non. Je lis le passage. Joss Whedon dit « Les gens n'arrêtent pas de me parler de Blake's Seven, de Red Dwarf et même de Doctor Who. » En fait, il parle des séries de SF britanniques. Mais je ne les ai jamais regardées. J'ai vu un épisode de Doctor Who et j'ai pensé « Ils ont filmé ça dans une cave ou quoi ? C'est vraiment kitsch. » Donc, de cette phrase, j'avais conclu qu'il trouvait que c'était à chier. J'étais pas très très loin de la vérité. Sauf que voilà, ce que m'a expliqué Nico, je pense qu'il a un peu raison, c'est qu'à ce moment-là, Joss parlait de la première version de Doctor Who des années 60. 60, voilà. Et qu'à plusieurs reprises depuis, il se serait exprimé sur les nouvelles versions. Donc depuis 2010, c'est revenu Doctor Who, 2005 même. 2005, ah ouais, d'accord. Donc sur les nouvelles versions, et qu'il aurait précisé que c'était pas mal. Voilà. Donc, surtout que les derniers épisodes de Doctor Who sont juste carrément surexposés en termes de lumière, donc ça a pas l'air d'être filmé dans une cave. Non. Pour avoir refait les 4 saisons récemment. Ah, ils ont un budget de malade, quoi. Les premières saisons depuis le reboot sont quand même très très kitsch. Ils ont pas de budget, mais les premières saisons de Buffy, c'est pareil, ils ont pas de budget. Oui, non, mais carrément. Mais ils sont quand même malins. Mais le côté kitsch, en fait, reste par la suite parce qu'il y a toute une mythologie déjà pré-créée qui perdure. Et le côté kitsch british, qu'on pourrait même dire Brit kitsch, soyons fous, inventons des mots. Reste dans la série, même quand elle part dans l'épicness et la grandiloquence la plus totale avec l'arrivée de Matt Smith, mais même encore avant, dans les dernières saisons avec David Tennant, on est clairement là-dessus. Alors, priorité au direct, je suis obligé de vous couper parce que je vous rappelle que je déteste la série Doctor Who. Donc phrases interminables. Je vous interdis d'en parler plus longtemps. On fera notre propre podcast. Je vous interdis. On l'appellera Wooniverse. Je vous interdis d'en parler plus longtemps. Et on va tout de suite. Ah, si, et dans le refait le match, je voulais préciser que des commentaires se sont sont apparus suite au dernier numéro, qui ont dit que effectivement ils voulaient le retour de la rubrique sondage de Riley. Tout à fait. Donc c'est parti. C'est pour ça qu'on va tout de suite passer à la rubrique sondage. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Oulala. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Quel était le sondage, mon petit Riley? Alors, j'ai triché un peu pour être sûr qu'il y ait plein de réponses. Du coup, on avait fait un sondage sur Sarah Michelle Gellar. Quel bon plan. On vous demandait quelle hors-série du podcast vous vouliez écouter sur Sarah Michelle Gellar. Donc on avait proposé Sex Intention, Scooby-Doo, Scream 2 et Souviens-toi l'été dernier, donc que des bons films. Hein. C'est des films surtout Scooby-Doo, qu'on va devoir celui avec le chien. Hein. Alors, non, très honnêtement, il y a une scène cultissime dans Scooby-Doo dont je n'ai jamais retrouvé l'équivalent en termes de qualité humoristique ailleurs. Ah bon? Ah oui. Il y a une scène génialissime. Mais t'as vu beaucoup de comédies dans ta vie? Ah oui. Après, Sex Intention est vraiment un très bon film. Alors voilà, merci pour la transition, parce que donc c'est Sex Intention qui a été choisi par les votes. Il y a eu 1 million de votes, je pense, à peu près. On a explosé les records de votes. En vrai, ça c'est vrai. On n'a jamais eu autant de gens qui ont voté. C'est vrai, non, mais en vrai. En vrai, ouais, Twitter, Facebook et sur le site. Tu nous dis que c'est le sondage qui a le mieux ffonctionné alors. Tout à fait. C'est génial. Bravo. Merci. Merci d'avoir voté. Cette rubrique ne sert pas à rien. Hein. Surtout qu'on va faire Sex Attention en commentaire audio. Donc, Sex Attention, vous rappelez le film de Roger Campbell? Mais oui. Qui a réalisé La Forêt Contre-Attaque en 2010. Vous voyez ce film? Non. Oui, c'est le film complètement adapté des liaisons dangereuses de Chaud de Rouleau de la Clou. Ah oui, Sex Attention. Ouais. Et La Forêt Contre-Attaque, non. Alors, non. Monsieur, on en parlera pas. Ça, c'est de Chateaubriand. Alors, il y a des gens qui ont répondu The Grudge, Véronica décide de mourir, qui sont aussi des films cool. Ou même Southland Tales. Alors là, oui, complètement, complètement. Il faudra qu'on prenne de la drogue, je pense, pour. Alors non, si. Non, non. Il faut absolument voir ce film. Ah oui, Southland Tales est un très grand film. Richard Kelly, je t'aime. Si tu m'écoutes, je t'aime. Épouse-moi quand tu veux, mon chéri. Il est sur le chat là. Et il dit non. Ah merde, dommage. Donc oui, il a fallu faire des choix. C'était un peu arbitraire. En plus, on avait parlé juste avant le podcast. Donc ce sera Sex Intention. Et ce sera l'occasion de revenir sur la carrière de Sarah Michelle Gellar, bien sûr. Tout à fait. Voilà, c'est tout pour le sondage. C'est tout pour le sondage. Je sais pas s'il y aura un sondage ce soir. On verra. Ah, suspense, suspense. C'est une autre rubrique. Tout de suite. Blague. Voilà. Ouais. Maintenant, on va passer le gros du dossier, du dossier de ce soir, ce que vous attendez tous, l'épisode du jour. Attention, c'est parti. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Et oui, donc l'épisode du jour, ça va être I Only Have Eyes For You, la soirée Sadie Hawkins en VF, titre VF. L'épisode donc 19 de la saison 2. L'épisode écrit par Martin Oxon et réalisé par James Whitmore Jr. Et tout de suite un point IMDB par notre cher Riley, le spécialiste de ce site. Mais bien sûr, c'est quel bon site? C'est ton site préféré. Hein. Carrément. Après Clap Mac, bien sûr. Bien sûr. Quand même. Et pourquoi Buffy c'est génial at WordPress. D'accord, ok. Le mec il connaît même pas son site. Allez, IMDB. Envoyez-le en Guadeloupe. J'aimerais bien. Martin Oxon, on en a déjà parlé, elle est arrivée en saison 2 de Buffy et elle devient carrément showrunner de Buffy en saison 6, co-showrunner avec Joss Whedon. Ce qui est quand même fou. Pendant que Joss était occupé à faire Once More with Feeling et Firefly. D'ailleurs, les fans, on disait dans la bio que lui attribue. Les gens n'aiment pas trop la saison 6 et ils lui attribuent. J'en fais partie. Voilà, et ils disent que c'est un peu de la faute de Martin Oxon qui a rendu la série plus sombre que ce qu'elle n'était. Oui, mais quand même, elle a fait un épisode génial, on peut en parler. C'est genre suite ce soir. Entre autres. Par exemple. Non, mais si, elle fait. Enfin, c'est une des piliers de Buffy, quoi. Elle est hyper. Un des piliers de Buffy, c'est hyper important. Elle est hyper importante. Donc, dans les épisodes marquants qu'elle a fait, c'est The Wish. Par exemple, Conversation with Dead People en saison 7, dont on a parlé dans le podcast. Excellent. 14. Magnifique. Numéro 14. Et aujourd'hui, elle est showrunner sur la série Unreal. Unreal, qui est sur la série. télé-réalité. La télé-réalité, tout à fait. J'ai jamais regardé. Oui, c'est l'envers du décor d'une série qui ressemble un petit peu au Bachelor. D'accord. Tu connais ? T'as regardé ? Oui, avec une actrice dont j'ai oublié le nom, mais qui jouait dans Roswell et dans Life Unexpected. Et je suppose que sur le chat, les gens sauront retrouver son nom très rapidement. Puisque c'est pas Shirley Appleby ? C'est fort possible, tout à fait. Merci. Bien joué. Excellente transition pour ce que je vais évoquer dans une heure environ. Merci beaucoup, Carole, tu déchires. Tu es dans le futur, et d'ailleurs, à ce niveau-là, vu qu'on parle de Martin Oxon, eh bien, Marty, monte dans la DeLorean, vite ! Nom de Zeus ! D'accord, ok, très bien. Voilà. On enchaîne tout de suite avec John Sweetmore Jr. John Sweetmore Jr., qui n'est pas un invité ce soir, mais qui est un réalisateur d'expérience, hein, et qui a réalisé 5 épisodes de Buffy, dont The Zeppo, qu'on a déjà commenté, qui est un excellent épisode. Génial. Tout à fait. Un très bon réal, super réalisateur, et qui a bossé dans les années 90 hein, sur Beverly Hills, bien sûr, Dawson, excellente série, Cold Case, et plus récemment sur The Good Wife et NCIS. Donc cool. C'est un problème. On va voir que ce soir il fait du il a bon fait, taf. C'était un des meilleurs épisodes de la saison 2. Du début de la série Buffy. Moi, quand j'avais vu cet épisode la première fois, j'avais pris une grosse claque de réal. Je me suis dit, waouh, on fait un truc. Très très bien réalisé, c'était impressionnant. Donc I Only Have Eyes For You a été diffusé pour la première fois le 21 avril 1998. Alors juste une précision. Dis-moi. Ce que tu viens de prononcer, ça veut dire je n'ai Dieu que pour toi. Tout à fait. Mais voilà, nos amis l'anglais parlent, approximatif. Non, mais je sais pas sûr qu'on avait tous compris. Par l'anglais, bien sûr. Merci Carole. Non, mais, en pas yaourt. Voilà. Et bien sûr, et on précisera d'où vient ce titre dans les commentaires, parce que vous voyez que ce n'est pas un titre anodin. Donc, comme on l'a expliqué, c'est un épisode qui parle d'amour, de gens qui ont Dieu que pour toi, hein, comme tu le dis. Et c'est surtout le titre d'une chanson qu'on évoquera dans les commentaires de l'épisode. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un pitch ? Et là, j'en ai marre que ce soit Riley qui fasse les pitchs. Attends, j'ai mis 2 heures sur celui-là. 2 heures. Eh ben non. On m'a dit les pitchs de Riley, il y en a marre, et le mec se fout comme les sondages, quoi. Ouais, il fait 3 lignes et après il nous dit quand c'est les invités qui font les pitchs, ouais, il nous dit ah ouais, j'ai voulu faire un petit pitch pour pas trop en dévoiler là, tout ça. Donc j'ai décidé de manière totalement autoritaire et dictatoriale d'attribuer le pitch à Orjan, qui va nous faire un super pitch. Vas-y, c'est parti, nous t'écoutons. Après une soirée ratée au Bronze, où elle a pratiqué le racisme anti-chemise disco d'une manière assez violente, n'est-ce pas, Buffy se rend à la bibliothèque au cas où son mentor préféré aurait besoin d'un coup de pied ou deux avant d'aller se pioter. Sur le chemin, elle tombe sur un adolescent menaçant sa petite amie d'une arme à la suite d'une altercation typique de séparation entre jeunes adolescents. Après avoir utilisé un faux raccord pour maîtriser l'énergumène, qui ne semble avoir aucune conscience de ce qui vient de se passer, un peu comme s'il était possédé, Buffy se rend compte que l'arme a disparu. Mystère, que va-t-il se passer? C'était parfait. Tu es donc comédien également. Hein. Alors j'aimerais bien que ça soit marqué sur mes fiches de salaire, parce que ça voudrait dire que j'en aurais. C'est ça. Ce n'est pas le cas, hélas. Tu nous as très bien mis l'eau à la bouche. En tout cas, sur le chat, ils sont fans. Je peux évoquer les thèmes également, si vous voulez. Je les ai juste à côté de moi. Là. Alors, oui, bah évoque les thèmes. C'est quoi les thèmes aujourd'hui, nous ça? Parle bien dans ton micro. En termes de thèmes, nous avons la communication, la solitude, le mensonge, le miroir, la figure du doppelganger. Et nous avons également la question clé de la rédemption, extrêmement importante dans Buffy, absolument. Le pardon. Le pardon, à la fois se pardonner soi-même, savoir pardonner et... Savoir aimer, pardon. Ah oui, oui, oui. Merci, voilà, tu là, voilà. Complètement c'est l'effet là-dessus. Micro. C'est voilà, c'est. Non mais je t'attendais là-dessus, Carole. Il faut absolument que j'enchaîne. Tu vas finir, Jean, j'espère. Et le bris du cercle vicieux qui est très important. Merci. Il faut absolument passer à autre chose, parce que là, je sens que je suis en train de tous vous perdre. Je vais faire une petite entrée en matière avant qu'on lance l'épisode. Martin Oxon, donc qui a écrit l'épisode, je le rappelle. Pour elle, le thème des fantômes, c'est très important, et ça traite surtout du repentir et de la seconde chance. C'était parmi les thèmes que tu évoquais, Orjan. Et elle explique qu'elle a été influencée pour l'écriture de cet épisode, mais déjà par son propre vécu. Elle a une histoire familiale compliquée, apparemment, des choses qui sont passées dans sa vie, et par deux films, Poltergeist et Trolley Madly Deeply. Poltergeist, donc de Tom Hooper de 1982. C'est l'histoire d'une famille typique américaine qui se retrouve attaquée par un esprit frappeur, hein, c'est comme ça qu'on traduit Poltergeist en français, qui a élu domicile dans leur pavillon de banlieue. Donc c'est un film clairement qui critique l'American Way of Life, mais par le prisme du fantastique, et qui dit en gros qu'il faut respecter la terre des ancêtres, que voilà, les Américains qui ont conquis l'Ouest sans trop faire attention à ce qu'ils avaient avant eux, ce qu'il y avait avant eux, ce qu'il y avait sous leurs pieds. Donc c'est un film qui est clairement sur le poltergeist. Donc moi je trouve que c'est une belle mise en bouche. Si vous avez jamais vu Poltergeist, ben, je vous conseille de mettre en pause ce podcast, d'aller voir ce bon film. C'est un bon film, d'accord. Un classique incontournable. Mais oui. Et comme ça, vous aurez une bonne idée. Et après, de revenir écouter et regarder donc, l'épisode I Only Have Eyes For You, qui est donc la version Buffy de Poltergeist. Et donc, Marty Dodson parlait aussi de Truly Madly Deeply, un film, là pour le coup, britannique de Anthony Minghella de 1990. Un film qui raconte une histoire d'amour qui traverse la mort, une histoire d'amour entre Nina et Jamie. Et moi, j'ai dans l'idée que le couple donc, dont il est question là, dans cette histoire de fantôme dans l'épisode de Buffy, qui s'appelle James et Grace, j'ai l'impression que James tient sûrement son prénom du Jamie de Truly Madly Deeply. Donc Truly Madly Deeply, c'est une sorte de ghost à l'anglaise, sans les scènes de poterie, ah, mais avec d'excellents comédiens. C'est meilleur, Donc c'est Alan Rickman et Juliette Stevenson qui joue ce couple qui se retrouve malgré la mort. C'est un film quand même avec des scènes très très très poignantes, un très beau mélo. Est-ce que c'est mieux que Le Patient Anglais? C'est beaucoup mieux que Le Patient Anglais. Merci. Et d'ailleurs, un gros bisou à Alan Rickman, que nous aimons tous. Tout à fait. Qui restera toujours le Métatron de Dogma dans nos cœurs. Tout à fait. Ouais, Dogma. Ah oui, excellent film. Ouais, excellent. Absolument. Est-ce qu'on lancerait pas l'épisode? Vous avez des choses à ajouter ou pas? Est-ce qu'on a appelé Clément? On va appeler. Non, c'est bon, on l'a appelé? On l'a déjà appelé, je crois. Ok, bon, c'est bon. Il nous a dit que ça captait pas super. Il a dit qu'il allait se baigner, là. Ouais. Et qu'il revenait de la sieste, donc c'était pas facile. Donc, tout de suite, je vais lancer l'épisode. Munissez-vous de votre télécommande, de votre souris, de votre tablette. Je ne sais pas comment vous regardez Buffy chez vous. Peut-être vous avez un casque VR maintenant pour regarder Buffy, je ne sais pas. Ce serait une très bonne idée. Ce serait une excellente idée. Bref. Ce sera en 4 tiers. On verra tous les techniciens, toute l'équipe. comme la version HD, là. Attention, je vais lancer l'épisode dans 3, 2, 1. Taupe, c'est parti, l'épisode est lancé. Bobby Jones sur Shot qui lui écrit taupe, comme une taupe. Bah oui, j'ai lancé taupe. Merci. Ça commence. À tout le monde dans le chat. Magnifique chanson. Donc, charge par le groupe Splendid, la chanson donc, qu'on a écoutée en générique de début. Qui nous parle d'amour et de l'amour, c'est compliqué, c'est ça hein, les paroles en gros, non? Oui, c'est. Ah, pardon, vas-y, Carole, je te suis. Non, mais on en discutait juste avant, on se disait que c'était une chanson sur la communication verbale et l'impossibilité de réussir à communiquer avec des mots. Les mots nous aident pas toujours à dire nos sentiments et en fait, c'est assez programmatique de ce qui va se passer dans cet événement avec une conversation récurrente qu'on va essayer de dénouer pour comprendre cet amour impossible entre les amants maudits. Bah oui. C'est exactement ça, l'ineffable attrait pour le danger, la destruction, n'est-ce pas, également, ainsi que ce qui ne nous convient pas, les amours impossibles, tout ça, le quotidien contre l'éternité. La difficulté de communiquer, l'incommunicabilité, pardon, excellent. Mot contre triple. Je suis en train de m'embrouiller parce qu'on me met la pression parce que priorité au direct, là nous avons une. Priorité chemise moche. Une scène de racisme anti-chemise disco, absolument. Alors oui, arrivé d'un certain Ben qui nous parle de la trahison de la soirée Sadie Hawkins. Mais attention, ce Ben n'est pas Glory. Il faut le préciser. Tout à fait, un autre Ben. Et donc, qu'est-ce que c'est ces soirées Sadie Hawkins? Parce qu'en gros, il drague Buffy, il va se prendre un gros râteau. Hein. Mais surtout, il parle d'une soirée Sadie Hawkins. C'est quoi ça? C'est une tradition américaine, apparemment, Riley. Ouais, c'est une fête folklorique qui a lieu le 29 février dans le lycée. Et est dédiée aux jeunes filles célibataires. Donc, il invite les garçons, effectivement, à venir à la soirée. Et en fait, ça vient d'une BD d'un comic strip de 1937, Lil Abner, pardon. Dans laquelle Sadie, une éternelle célibataire, décide d'organiser une fête pour trouver un mec. Donc suite à ça, en fait, les lycées ont repris cette idée pour organiser les soirées chez eux. Ce qui est marrant. Comme quand on faisait des booms et qu'on faisait d'appeler ça le quart d'heure américain. Tout à fait, ouais. Sauf que là, c'est sur toute une soirée. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup mieux. Et si vous allez sur Google, vous verrez que Sadie Hawkins ressemble pas mal à Ugly Betty. Ah! Avec dents et chignons en plus qui vont bien, tout sorti de et tous la les côtés. Flippance également. Et assez flippante. Et que l'idée quand même de Sadie Hawkins, c'est qu'en fait, Sadie, c'est une célibataire endurcie et que sa mère organise finalement une chasse à l'homme. Sadie va courir après tous les mecs et le premier qui est chopé est obligé de se marier avec elle. Et donc pas très cool au départ le mythe de Sadie Hawkins quand même, et pas forcément on va dire un phénomène qui met en valeur les femmes. Non, en fait c'est pas si féministe que ça. de base. Non, c'est un petit peu glauque. C'était une autre ambiance. Pas du tout. Mais par contre, il y a un thème donc, qui va revenir par le biais de cette soirée Sadie Hawkins. C'est l'inversion des genres. Donc là, cette soirée, donc, on dit voilà, traditionnellement, c'est les garçons qui invitent les filles. Donc là, on veut que ce soit les filles qui invitent les garçons. Et on va voir que c'est un thème qui va revenir régulièrement dans cet épisode pour nous montrer, comme souvent dans les œuvres de Joss Whedon, que le genre n'a pas trop d'intérêt, en fait, qu'on peut même les inverser, les jouer Les rôles habituels, en fait, dédiés à un genre sont inversés et que les identités sont fluctuantes. Et que ça va même être une très bonne chose d'inverser le rôle de l'homme et de la femme en fin d'épisode. Qui va aider le dénouement. La priorité au direct. Ah bah oui, on arrive. Dans le jeu du sujet, n'est-ce pas ? On arrive au lycée, il y a une grosse scène de dispute, et effectivement, l'amour, c'est pas si bien que ça. C'est compliqué. On assiste à une dispute entre deux lycéens, donc qu'on l'air à bout, au bord des larmes, ça a l'air très pas cool. Donc c'est la première fois qu'on entend un dialogue qu'on va réentendre régulièrement dans l'épisode, cette même scène de dispute. Voilà, qui va revenir plusieurs fois. Trois fois, je crois. Life is forever. Love is forever. Pardon, j'ai un rub. Et là, du coup, je vais vous demander de penser au concept de samsara, s'il vous plaît. Oui, très bien. Pensez dès maintenant. Okay. Faites-en un mantra. D'accord. En position de yoga. De tantra, n'est-ce pas? Voilà, pensez à la Bhagavad Gita. D'accord, et pour aller, tu veux qu'on aille où en pensant à ça? Continuez de penser, mes jeunes amis, mes petits scarabées. Très bien. Je vous reprends à la fin de l'épisode. Ah, très bien, bon bah. Tu nous tises complètement la conclusion. Absolument. Mais vous êtes mes amis, et vous revenez quand vous voulez dans l'émission de Sartman. Ok, alors moi je vais en profiter pour parler de la chanteuse qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer au début, mais qu'on a déjà évoqué dans un épisode qui s'appelle Angie Hart, la chanteuse. Donc du groupe Splendid, c'est en fait elle et son ami Tobias, Jesse Tobias, sont des amis du couple Whedon. Et Angie a fait trois apparitions en tout dans Buffy, et dont une qu'on avait déjà noté dans notre podcast sur Conversation with Dead People. Et on peut la voir aussi dans un épisode de Firefly pour les amoureux du Whedonverse, dans l'épisode Earth of Gold. Attention, priorité au direct, scène d'action incroyable. Buffy est intervenue pour interrompre la dispute. Une des seules scènes d'action. Tout comme le concierge que nous allons revoir dans une scène suivante. Voilà, donc. Et dans ce couloir, qu'est-ce qu'on remarque également? Une vitrine avec des trophées et sûrement une petite cheerleader enfermée dans un des trophées. Sûr. Ah bah ouais, c'est absolument la cohérence. Elle est là depuis très longtemps. Elle. Donc oui, donc Buffy est intervenu pour mettre fin à la dispute, sauf que le mec ne se rappelle plus de ce qui s'est passé et Buffy lui dit tu as O.J. Simpson, t'as failli O.J. Simpson ta meuf, en gros, hein, je vous la fais vite, bien sûr en référence à l'affaire O.J. Simpson, de ce célèbre sportif accusé d'avoir tué sa femme. Et c'est un dialogue assez percutant parce qu'à un moment donné on voit à quel point Buffy est une série où on invente des mots, des néologismes, où on fait de noms communs des verbes. C'est une série aussi où on inventera le verbe tout Google pour faire une recherche sur Google. Et moi ce que je veux dire c'est que là on trouve pas très choquant qu'elle utilise le terme O.J. Simpson envers le mec, et moi ça m'a rappelé une affaire qui avait fait polémique par contre en France, où un rappeur avait utilisé le verbe Marie Trintignier pour parler d'en gros la même chose, et qui et ça s'était pas du tout passé. Est-ce que tu sais parce qu'on vient de Bordeaux de manière est-ce qu'il y a un rapport, est-ce que tu sais parce qu'on vient de Bordeaux, ouais, c'est quoi le rapport? Quentin est de Bordeaux. Ah, il est de Bordeaux, Nord-Désir Bordeaux, oui bien sûr. Ah oui, Quentin, oui, parce que moi je parle de Marie Trintignier, du rappeur qui vient pas du tout de Bordeaux, Aurel San. Ah oui. Mais oui, voilà. Mais bref, voilà, aussi ça dépend des pays en fait. On peut pas faire les mêmes références culturelles. L'affaire O.J. Simpson, oui, bien sûr, mais parce que en France, O.J. on le retrouve dans d'autres séries, voilà, c'est le verbe est devenu une expression commune. Alors qu'en France ça parle pas trop, mais effectivement aux États-Unis c'est une affaire importante. Ils ont même fait une série American Crime Story. Attention, priorité au direct, un livre est tombé tout seul de l'étagère, hyper important, avec une faute de raccord de folie. Le livre est ouvert dans le plan large et là est fermé dans le plan serré. C'est un scandale. On arrête l'épisode immédiatement. On arrête le podcast tout court. Faut arrêter ça. Non, mais surtout là, Willow donne des cours d'informatique. Et ça, c'est important. Ah bon? Bah oui. Parce qu'elle fait des blagues incompréhensibles. Vous avez compris des blagues d'informaticien. Bah moi je comprends pas ce qu'elle raconte. C'est très simple. C'est que en système binaire, si tu veux, tu fonctionnes que avec des 1 et des 0. Et en gros, en système binaire, 1 plus 1 ça fait 10. Très bien. Puisque tout est réduit ensuite de 0 et de 1. Et après, pour vous expliquer ça plus simplement, je vous conseille l'excellent article de Wikipédia. Parce que là, très bon site. Là, je n'ai ni le temps ni l'envie de vous expliquer ça. Mais c'est drôle, tu nous confirmes que c'est une, c'est une super vanne. C'est incroyable, je me suis complètement retrouvé plié. Donc hein, si, sur cette vanne, je me suis roulé par terre. D'accord, si le binaire on connaît, ça nous fait rire normalement. Je me suis dépassé trois vertèbres sur cette blague. Très bien. Alors si, alors chose très importante par contre aussi à signaler, c'est que avant cette scène de Willow dans la case informatique, il y avait une scène qui a été coupée au montage, une scène dans laquelle Cordelia et Xander, donc couple qui sont ensemble à ce moment de la série, arrivent en extérieur, donc ils arrivent au lycée et ils parlent de Buffy, de sa situation, tout ça. Et Cordelia dit en gros à Xander que c'est bizarre parce que Ben c'est le fils d'un riche, un mec super riche de Sunnydale, c'est bizarre qu'elle ait pas voulu sortir avec lui. Et Xander lui explique qu'elle a des soucis à régler et tout. Et Cordelia dit ah, mais on lui a déjà dit plein de fois que c'était pas de sa faute, l'histoire avec Angel et tout. Et en gros, c'est intéressant de voir que déjà elle a été coupée parce que ça faisait un peu redite avec la scène entre Willow et Buffy qui parle déjà de ce traumatisme que Buffy a dans la scène dans le pré-générique bronze, ouais. Ce traumatisme qu'elle a suite à l'histoire Angel. Et mais c'était important de voir que tous ses amis se posent la question de est-ce que Buffy a vraiment réglé son trauma ou pas. Et on va voir en fin d'épisode que Angel, on l'a pas dit, mais à ce moment-là de la série, qui est redevenu méchant. C'est ça. Alors, justement, ce qui est intéressant, il faut bien se poser cette question. Ouais. En scène coupée, ce qui est intéressant, c'est que Xander finit en disant ok, tout le monde lui a dit, sauf la seule personne par laquelle elle avait besoin de l'entendre. Angel. Et donc là, c'est la rédemption, c'est le pardon, etc. Et c'est ce qui va se passer dans cet épisode. Et c'était complètement prémonitoire, n'est-ce pas ? Priorité directe, c'est le flashback. C'est le flashback qui explique toute l'histoire, en fait. C'est les voyages temporels. Flashback de 1955 qui nous raconte l'histoire de... Ah oui, donc de Grace, Grace et James. Grace sont James. Amoureux alors qu'il est élève et elle est professeure. Voilà, Buffy voit ça. Je me rappelle, ma jeunesse. Et alors ça, c'est important parce que Grace parle à James d'un livre d'Ernest Hemingway qui s'appelle L'adieu aux armes. Elle lui propose de lire ce livre. C'est un livre dans lequel un jeune ambulancier de 18 ans vit une folle histoire d'amour avec une ambulancière... Une infirmière écossaise un peu plus vieille que lui pendant la Première Guerre mondiale. Et le rapport entre l'amour et la mort. Et voilà. Ouais. Et surtout, il y a beaucoup de points communs entre le personnage donc de Fred, c'est Fred dans le livre, et de James donc dans notre épisode, qui vont donc vivre une histoire d'amour avec quelqu'un d'un peu plus âgé, et surtout qui vont avoir des destins un peu tragiques liés à ces histoires d'amour. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que en lisant le bouquin et en voyant l'épisode, on se pose constamment la question. Priorité au direct. Si on doit aimer ce personnage ou attaque si on doit... de Xander par le monstre du casier. Une super scène. Il y a un vortex dans votre casier. Je répète, un vortex dans votre casier. La scène est géniale. En plus, on a raté la jupe fondue de Buffy, donc. C'est vrai, on a raté la jupe fondue de Buffy. Ainsi qu'un magnifique reflet de perche dans la porte gauche du couloir. Donc une scène complètement kitsch, un vrai acte de poltergeist, donc avec cette espèce de main. Non, mais c'est kitsch bien, quoi. Il faut ça avec un. On ne sait pas d'où elle vient, c'est ça. On ne sait pas d'où vient cette main, c'est pourquoi ça jaillit. On voit que la présence du poltergeist crée. Ça va, les pervers de la jupe, ça vous dérange pas ? Et entre autres choses, une jupe fondue de façon indécente. On n'avait pas vu ça. Et donc, du coup, le poltergeist, en fait, il s'en bat tellement les couilles que la scénaristique, il s'en fout complètement. La réalité, la scénaristique, peu importe. Il intervient à travers ça, la réalité. La présence du poltergeist, en fait, crée des interruptions, des déconnexions dans la cohérence du réel, en fait. Oui, absolument. Et c'est ça qui est intéressant. Dans le film, c'est pareil. Arrête de me parler comme si t'as cultivé, Riley. Tu me flattes inutilement. Le film dont on parlait tout à l'heure, hein ? Ah oui, d'accord. Quel film ? Ah, le truc avec monsieur Tegeist, genre Paul, son prénom. Alors, c'est Paul. Tegeist. Ouais. Xander, là. Donc là, nous sommes à la bibliothèque, je le rappelle. Et Xander fait des références culturelles. Grosse référence culturelle à Network. Bah oui, au film Network de Sidney Lumet, Sidney Lumet dont nous parlait Riley il y a quelques épisodes. Absolument. Cast 29. Avec cette citation This was I'm dead as hell and I'm not gonna take this anymore. Et les morts, voilà, comme référence à I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Voilà que ces gens presque ensorcelés par un prédicateur télévisuel se mettent à chanter. À gueuler à leur fenêtre. En gros, c'est pour dire que le fantôme n'est pas content et est en pleine rébellion. C'est un fantôme qui veut plus se laisser faire et qui veut se faire entendre. À noter que dans le film, c'est une rébellion juste qui a lieu, une rébellion justifiée. Oui. Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Xander a beaucoup de culture alors qu'on le fait souvent passer pour un idiot dans les premières saisons. Pareil, en saison 1, il fait une super référence à Shining. Là, c'est encore un exemple en fait, de l'étendue de ses connaissances. Il est très cinéphile, Alexander. Bah, et puis plus tard, il va citer Shakespeare. Ou même dans le dernier épisode, on a vu que Cordelia parlait de Helen Keller. Enfin, voilà. Alexander, c'est Joss Whedon, complètement. Hyper cultivé qui fait des blagues. C'est surtout les scénaristes et Joss Whedon qui mettent en bouche de leurs personnages leurs propres références culturelles. C'est un peu plus ça. Et donc là, reprise une nouvelle fois de la scène de dispute. Mais là, entre le concierge et le prof. Madame Franck. Et là, je trouve qu'il y a une différence d'âge qui est marquée par rapport à la scène de tout à l'heure. Enfin, entre les deux personnages. Et, tout à l'heure, c'était deux adolescents. Mais maintenant qu'on sait que dans le flashback, on a vu que c'était un couple qui avait une grande différence d'âge. Là, je trouve que c'est joué. Et c'est pour ça que ça a bien marché aussi à la fin avec Angel et Buffy. C'est intéressant parce qu'on reprend à chaque fois la même mise en scène, le même rythme, avec des acteurs différents, ce qui fait qu'on perçoit le dialogue différemment à chaque fois, malgré la répétition de la scène. Et alors, il paraît que, j'avais l'intention de le dire plus tard, mais je vais le dire maintenant, il paraît que, donc, ils ont commencé par filmer la scène avec les acteurs du flashback 55, de 1955, les comédiens qui jouent James et Grace, et après ensuite toutes les scènes qui ont été tournées par d'autres comédiens, on leur a montré les rushs pour qu'ils calquent leur jeu et leur déplacement sur la scène. C'est pour ça qu'on a cette symétrie qui fonctionne très bien à chaque fois. Super bien filmé en plus. Et donc là, c'est le début de l'acte 2, je crois, et avec on prend un tout petit peu avant avec Jace, du point de vue de Jace qui va voir la scène, voilà, qui va se retrouver témoin de la fin de sa scène, de cette scène de dispute puis de meurtre, et lui le truc c'est qu'il va voir ça à travers une vitre sale, hein, déjà, c'est à dire que le concierge a mal fait son travail, mais surtout le fait qu'il voit ça à travers une vitre, moi je trouve que c'est une bonne manière de montrer qu'il va avoir une lecture biaisée des événements. Il voit cette histoire de loin, on voit ce plan là dégueulasse. Ce qui explique aussi et ce qui met en scène que lui va avoir une lecture avec son propre prisme, son histoire avec Jenny. Je vous rappelle que Jace, on n'a pas pu l'évoquer pendant la scène de la salle d'informatique, mais Jace vient de perdre Jenny qui a été tuée par Angel. Il souffre de ça, et pour lui ce fantôme qui erre dans le lycée et qui a encore quelque chose à y faire parce qu'il n'a pas pu accomplir ce qu'il devait faire pendant sa vie, pour lui c'est Jenny, ça le ramène à sa propre histoire de Jenny, mais il fait fausse piste direct. On est chez Angel dans le manoir Angel Spike. Manoir Angel, je crois que c'est un décor assez connu, c'est le Ennis House qui est à Los Angeles et qui a servi dans qui sert souvent au cinéma, notamment dans Blade Runner, c'était l'appartement du personnage d'Harrison Ford, Descartes dans Blade Runner. C'est, c'est une grande maison qui a été construite dans les années 30, je crois, et qui est régulièrement louée pour des J'aime tournages. Le nom de l'architecte, si tu veux, mais on s'en fout. Bah si, c'est important. Ah bon, t'aimes bien les architectes? Bah oui. Frank Lloyd Wright. Bah oui, Frank Lloyd Wright. Pour en société, ça peut être utile. C'est vrai. Ça non, mais en vrai, si jamais ça vous intéresse, hein, renseignez-vous sur cet endroit. C'est un endroit qu'on retrouve dans plein de films et plein de séries. C'est... Tout à fait. Et donc là, ça permet de voir quand même les grands méchants de la saison qu'on adore, les trios formés par Spike, Angel et Drusilla, avec la tension et les sous-textes que contiennent ces scènes en trio. Et puis on n'en a pas parlé dans le podcast, mais Angel et Spike, cette relation entre eux, c'est hyper important. Ils se connaissent depuis très longtemps, et là il est dans une position de force où il se permet de draguer Drusilla, alors que Spike est en fauteuil roulant complètement diminué. Il l'appelle Spikey, la relation est géniale. On parlait tout à l'heure des identités de genre, et c'est vrai que là du coup il y a quelque chose sur la féminisation de Spike qui est intéressant dans ces scènes-là, où Angel incarne une masculinité on va dire un petit peu cliché, dans une virilité un peu frontale, simpliste, et ça, c'est intéressant cette dynamique. On le dit pas assez, mais David Boreanaz en Angelus est formidable. La scène est formidable, on est en train de voir une scène formidable, la mise en scène est formidable. Jay s'enferme dans son déni, c'est Jenny le fantôme, alors qu'il a tort. Et là, la mise en scène nous le montre, il s'enferme dans son bureau, derrière une vitre encore. Puis s'enferme dans la cage, puis se réenferme dans le bureau, et alors que Buffy, Xander et Willow sont en train de lui dire que non, non, il se trompe, il a tort. Rien à voir avec Jenny. Et, les, et voilà, et lui, par la mise en scène, nous montre qu'il il ne veut pas être avec eux, il veut rester enfermé, cloîtré dans, dans, son, dans sa propre idée, et c'est souligné par la mise en scène. C'est une mise en scène très, très intelligente dans cette scène, j'ai trouvé. Donc là, les amis, vous ratez les gestes enflammés de Sartman pendant qu'il décrit cette scène. Mais oui, parce que vous parliez de choses inintéressantes là, entre Spike et. Moi, je parlais de biais de cognition. Et Angel, alors qu'on sait très bien qu'Angel est meilleur que Spike, il n'y a aucun doute. Ça, bien sûr. Bon, salle d'informatique, Willow va sur Google, est-ce qu'on a des et choses trouve à trouve la solution au mystère. En 5 secondes, voilà. Oui, alors, de scénario. Je sais que pour vous, c'est, le fait qu'elle le trouve aussi rapidement est complètement absurde, mais réfléchissez au fait qu'à Sunnydale, ça arrive pas si souvent que ça, qu'on une soit fusillade. Tué par, par arme à feu, en ouais, fait. Dans un lycée normal, déjà, ça arrive très rarement une fusillade. Et à Sunnydale, donc, si on meurt au lycée, on meurt parce qu'on est attrapé par un monstre, un fantôme, un vampire, mais pas tué par une arme à feu. C'est complètement stupide comme mort. Donc effectivement, sur les internets, et ben, quand on tape fusillade Sunnydale High, on tombe tout de suite sur cet événement-là. Ce qui nous laisse le temps après d'explorer l'histoire de Grace et James et la rédemption de Buffy. Parce que c'est ça qui nous importe dans l'épisode et que finalement, de savoir qui est James et de quand a lieu cette fusillade exactement, ben c'est juste un MacGuffin. Hein, ce que dans le cinéma de Hitchcock, fout, on considère comme un prétexte pour finalement aller plonger dans la réalité de l'intrigue. C'est juste un détour pour nous amener sur le vrai sujet qui est celui de la rédemption dont on parlait tout à l'heure. Excellent argument, tu nous as démonté. Je n'arrive pas à me placer depuis tout à l'heure, c'est horrible. Ouais, il faut s'imposer. Internet. Il faut s'imposer. Mais je galère à rouler des pelles au micro. Merci Scully. Oui. C'est marrant parce que tout à l'heure on a fait l'inverse. On a fait l'inverse, donc on a travaillé sur l'inversion des genres. On n'entend pas Phoebe, vous ne laissez pas parler Phoebe. Et donc du coup, je voulais juste parler de biais de cognition dans la scène précédente. Voilà. Non mais le biais de cognition, le biais de cognition. C'est une prise d'otage. Le biais de cognition, n'est-ce pas Phoebe, sur cet épisode. T'aimes bien ou pas? Ah oui, j'aime beaucoup cet épisode. Après, c'est vrai qu'il y a un truc que j'avais remarqué quand je l'avais re-regardé juste avant. C'est qu'il y a une certaine montée en crescendo de l'épisode. Il commence assez doucement, même s'il y a quand même des ruptures de ton. Et j'aime beaucoup la scène finale, justement, à cause de ça, parce que c'est vraiment l'apogée de l'épisode et bref ouais et c'est exactement ça pour le coup j'ai pas eu le temps de le dire et c'est à mon avis ce qui est tiré aussi de Poltergeist qui c'est un film qui commence avec des événements paranormaux très très minimes anodin. Très très anodins juste un meuble qui bouge ou un chose comme ça qui livre qui tombe dans le bureau et il y en a un dans pas longtemps là. Et voilà et ça se finit par une apocalypse ouf et c'est exactement ce que tu dis c'est vraiment crescendo les événements paranormaux tout à fait c'est tout un peu les 12 plaies d'Égypte au fur et à mesure en fait de l'épisode voilà on peut voir ça comme ça. Voilà, voilà, on a déjà les serpents. Direct, hein, les serpents. Il y avait un gros plan spaghetti de la cantine et on passe au serpent, comme par hasard. Et Cordelia se fait attaquer au visage. Cordelia qui mangeait une pomme se fait mordre par un serpent. De là à y voir des messages. Là, je ne sais pas. J'avais habillé, par contre, c'est dommage. Je me couvre tout de suite au spécialiste. Donc la police intervient, les pompiers, tout le monde. Ils enlèvent les serpents. Alors qu'ils seront dans la scène tout à l'heure, ça c'est bizarre. C'est très bizarre. Moi je vais revenir, tiens, toi qu'on dit, parce que là les serpents sont. Non, mais il y a une scène géniale. Non, après, c'est important. Il y a une scène géniale parce qu'il va y avoir juste l'apparition de Snyder juste après. Et là. C'est donc une scène complètement méta qui va annoncer la saison 3. Voilà, on nous annonce très clairement que quand même les autorités de Sunnydale sont tout à fait au courant des phénomènes paranormaux qui existent dans la ville et qu'ils les masquent, qu'ils dissimulent tout ça. Et qu'il y a une grande. La bouche de l'enfer. Voilà, Snyder est au courant de tout ça. Il y a une grande conspiration, théorie du complot et que le maire participe. Au mensonge organisé, ce qui annonce effectivement la saison 3 et ce qui annonce un des enjeux primordiaux de toute l'œuvre de Whedon, où la question de la conspiration des sociétés secrètes va courir, que ce soit dans Angel avec Wolfram and Hart, dans Dollhouse avec l'industrie, la société Rossum, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Mais c'est ça, Snyder qui, juste avant dans son bureau face à Buffy, lui disait ah non, je connais les complots, j'ai vu JFK, tout ça, qui se foutait d'elle en disant les complots, on me la fait pas. Justement, on se rend compte que lui-même est au sein d'un. Participe à un complot et c'est intéressant parce que quand il dit ça, je m'y connais en complot, j'ai vu JFK, c'est un peu la position du spectateur qui dit en regardant Buffy, ah ouais, mais je sais ce qui va arriver parce que j'ai vu du film de genre, j'ai vu du film fantastique, du film de science-fiction, donc je vais pas me faire prendre et qu'avec Buffy, eh ben, on est tout le temps piégé et on déjoue nos attentes en fait et on joue avec notre connaissance des genres. Alors là, nous sommes dans une toute autre scène, donc chez Buffy, le Scooby Gang, donc sans Giles, hein, qui lui est toujours dans le déni. Toujours pas compris, ouais. Donc le Scooby Gang. Ça veut dire que le Scooby Gang sans Giles Sans Giles. Sans Giles, exactement. C'est pas mais met en place un plan pour exorciser le lycée grâce à un tripode, un Magnus tripod. Je crois que Carole, t'avais une meilleure explication que la mienne pour expliquer le Magnus tripod. Alors, toi, quand tu l'as cherché sur Google, t'étais juste tombé sur un site qui correspondait à un trépied de caméra. J'aurais peut-être dû aller à Google. En fait, c'est Magnus Tripod qu'il faut chercher. Et que Magnus, moi, je suis tombée en fait en tapant le mot Magnus et exorcisme plein de fois sur Google, en allant un petit peu loin dans les internets, dans les tréfonds. Sur en fait la personne de Albert Magnus, qui était un alchimiste et philosophe au XIIIe siècle, qui croyait au pouvoir occulte des pierres. Donc je pense que effectivement, Si Martin Oxon évoque ce nom-là, c'est plutôt en rapport avec ce personnage-là, qui était un philosophe et théologien allemand du Moyen-Âge et qui a été le guide de saint Thomas d'Aquin. D'accord. Voilà, encore un élément pour briller en société. Ah, solution. Non, le d'Aquin. Non, ok. Très bien. Merci pour cette intervention. désolé. Là, il y a du plan Evil Dead à fond, sauf là, Clément. Là, c'est des plans hommage à Clément. En fait, ils se sont jetés dans la gueule du loup. C'est la fin de l'acte 2. Donc, le Scooby Gang est entré au lycée, mais les portes se sont refermées sur. Les portes, c'est vrai que j'adore les portes. Les portes se sont refermées derrière eux. Ils sont pris au piège. Et priorité au direct, nous avons Drusilla Nympho cinglée et Spike Handicapo blasé. C'est ça. Mais plutôt que pour on a un cliff qui est pas résolu tout de suite. Mais voilà, Angel chaud comme la braise. Pour faire traîner Angel, il est complètement sexuel. Pour faire traîner le suspense, au lieu de nous ramener au lycée après la pub, on va faire un tour chez les vampires. Qu'est-ce qui se passe chez nos amis les vampires? Donc ouais, comme vous le dites, une scène très très chargée sexuellement. Oui, et puis Dru qui est absolument jouissif, justement, avec ses petites mimiques, ses petites facéties, etc. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans cette scène sur la question du regard. C'est vrai que Spike, du coup, est condamné à regarder Angel et Drusilla jouer ses petits rites sexuels devant lui. Il détourne le regard, mais malgré tout, il regarde. Il y a cette position du voyeur, qui est quand même aussi une position d'excitation dans des jeux sexuels. Ouais, et on voit beaucoup ça dans Buffy, cette idée des hommes qui observent les femmes qu'ils désirent avec d'autres hommes. On retrouve dans la toute fin de la série, dans des scènes de combat où Angel observe lui Buffy. Donc cette question comme ça du regard qui sert à exciter les sens. C'est marrant que tu dises ça. C'est assez fort parce que là en fait on montre pas de sexe dessus, mais on ne montre que du sexe juste par la force des regards dans des champs contre champs, dans des plans rapprochés dans la mise en scène. C'est marrant que tu dises ça parce que de façon très simple c'est hyper subversif. Il y a un lien très fort entre cette scène là et le futur amoureux entre Spike et Buffy, leur relation sadomasochiste, mais en plus avec le personnage de James. Et Grace, ça prévisualise quasiment, peut-être inconsciemment ou hasardeusement, ou holistiquement, n'est-ce pas, avant l'heure, ce qui va se passer entre nos deux protagonistes. Les histoires d'amour, les deux protagonistes ne sont absolument pas à égalité, on va dire, dans leur connaissance de l'amour. Ouais, mais il y a déjà, en fait, ça qui se prévisualise dans cet épisode-là, alors que ça n'arrivera que trois saisons plus tard, si je ne m'abuse. Alors, priorité au direct, moi, je suis dans ma thématique Jace, qui s'enferme toujours dans le déni, vous voyez, et là encore. La porte. Il tombe, voilà. Il tombe, regardez les portes. Il tombe sur Willow dans le lycée la nuit, et au lieu, il continue de s'enfermer. Il dit à Willow, non, mais pars, et il la vire de sa bibliothèque, et il referme les portes. Il ne reconnaît pas le talent de son élève. De sa bibliothèque sur lui, il s'enferme dans sa bibliothèque, comme il s'enferme toujours dans son déni de ce qui se passe, de sa mauvaise interprétation. Plan très intéressant, très anxiogène, on connaît ce type de plan dans les films d'horreur, on s'attend à ce qu'il se passe un truc de taré, et en fait, ben non. Oui, donc Cordelia face à une vitre qui voilà. Regarde sa morsure de serpent. C'est un plan iconique en fait, voilà, c'est le genre de plan qui amène le plan culte ou le plan référence, donc ici là c'est un plan référence à Poltergeist de 82, c'est le genre de plan où tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose, mais non. Ça, et en plus, t'as la musique qui ajoute une tension, cette ambiance vraiment fascinante du lycée la nuit. Et c'est vrai que c'est un épisode qui est extrêmement bien monté, c'est-à-dire que le montage parallèle entre plusieurs lieux et plusieurs actions se fait généralement sur le dernier acte ou en fin de troisième acte. C'est en plein milieu de l'épisode. Dès le milieu de l'épisode, on a ce va-et-vient entre les différents lieux, les différentes scènes. Et là, notamment, on a Buffy qui assiste dans un nouveau flashback, sûrement, à travers une vitre. À la danse entre James et. C'est la vitre du TARDIS en fait, parce que même dans le passé. Et voilà, elle est dans le passé, et on entend donc les Flamingos, le groupe les Flamingos chanter I Only Have Eyes For You, donc qui donne ce titre à l'épisode. Sauf qu'on est dans un paradoxe temporel, comme dirait Doc à Marty, puisque la chanson des Flamingos ne date, elle, que de 1959, alors qu'on est censé se trouver en 1955. Grosse erreur. La chanson a bien été écrite, par contre, en 1934, mais la version des Flamingos ne date que de 1959. Voilà, c'est un scandale. Pour zombie. Et Zombie. On a vu aussi Xander dans la cafétéria où il y a encore plein de serpents, alors qu'on a vu une scène plus tôt dans l'épisode où ils enlèvent les serpents. Et la priorité derrière, vous avez vu le visage de Cordelia, donc dans le miroir, vient de changer, vient de se transformer en visage très très sale. Là aussi, une référence à une scène culte de Poltergeist où un visage se décompose face à un miroir, sauf que c'est beaucoup mieux fait ici que dans Poltergeist. Dans Poltergeist, on voit que c'est une fausse tête, c'est vraiment un scandale. Willow se fait aspirer par le sol. Voilà, et ça continue, un bras sort d'un vortex bizarre et se fait attraper, et heureusement que Tonton Jaïs est là pour l'aider. Enfin, ça va à 2000 à l'heure cet épisode, alors qu'on est à mi-épisode. Normalement, le climax n'arrive qu'autour de la 35-40e minute. Là, je sais pas à quelle minute on est, mais on a un flashback de fou là, complètement génial. Où on voit toute l'action. Meurtre, disque, suicide. Ça va à 1000 à l'heure et ça va se terminer par un get out de James cadavérique. Ça va à 1000 à l'heure. C'était ouf ce moment. Enfin, c'était. Ouais, c'est génial. Très très prenant, très très flippant. C'est un épisode qui est super bien structuré, qui a plein de climax différents en fait. Il faut cette rapidité, cette densité pour que Giles sorte de son espace de confort, et ce moment où il prend vraiment conscience que non, ça peut pas être Jenny qui est à l'origine de tous ces phénomènes paranormaux. Mais donc c'est vrai que ça a beaucoup joué sur la topographie des lieux, la circulation des personnages dans les espaces, et c'est cette frénésie qui fait que Giles sort de son espace et prend conscience de la réalité. Ce plan en triangle, enfin comme on voit sur le schéma qu'ils font, ça les oblige à se séparer pour faire ce rituel. Enfin, c'est. Et je vous dis, et ça normalement, ça arrive que dans l'acte 3. Là, on est dans l'acte 2. Parce que l'acte 3 sera réservé à Angel Buffy, forcément. Non, ça va très très. Cordelia fait partie du Scooby-Doo. On n'a pas insisté dessus, mais. Elle fait vraiment partie du Scooby, elle participe au rituel. Bien sûr. Avec les autres. Non, mais donc, ouais, il faut le dire très clairement, cet épisode au niveau FX, rythme, réalisation, montage, c'est un épisode de très, très, très, très haut niveau. Hein. Et en plus, ça, nous avons Xander qui est vraiment le cœur de Buffy avant même qu'il soit défini en tant que tel, puisque c'est lui qui amène à les références extrêmement pertinentes, n'est-ce pas? Et donc la priorité au direct, nous avons le grand méchant de Lost qui arrive dans les couloirs du lycée de Sunnydale, merci. Tu parlais des 7 plaies d'Égypte, Carole. Voilà, c'était à ça que je pense aussi, donc, à ce moment-là, cette nuée incroyable qui envahit le lycée. C'est pas des sauterelles, mais c'est des guêpes donc qui c'est des taches noires. Oui, c'est le méchant de Lost. Noires, mais ce sont des guêpes. C'est le Man in Black de Lost. Exactement. Candyman. Officiellement, ce sont des guêpes. Je ne dirais pas ça une fois. Et là, on a un plan dégueulasse. Regardez le plan large qui est freeze. C'est un freeze. Hein. C'est une photo, en fait. Voilà. Ils sont devant le lycée. Et là, ils ont craqué. Et c'est vraiment c'est très pour faire l'effet spécial. Ils ont fait une photo, quoi. En fait. Ils ont fait une photo. Et puis avec une image, quoi. Ce nuage de guêpes qui entoure le lycée, c'est vraiment très, très sale. Et ça va être encore plus sale parce que ça va être réutilisé. Un moment inopportun. Alors que, priorité au direct, hein, tout le monde prend le thé sauf Buffy qui est complètement à l'écart. Et voilà, alone. C'est ça, on est dans une scène presque bibliothécaesque, mais chez Buffy, dans le salon de Buffy. Et étrangère à sa propre maison. Et voilà, et tout le monde prend le thé, mange des petits gâteaux comme Cordelia là, sauf Buffy qui est debout, à part, qui s'est mise à part du reste du monde. Et c'est à son tour, justement, d'avoir perdu de vue les choses. Elle a une vision biaisée. Ouais. Tout à fait. La séparation de deux espaces entre le salon et l'entrée, donc dans un. C'est à son tour d'avoir sa transition crise amoureuse Gilesienne que Giles avait dans le premier acte. Bah elle l'a maintenant cette forme. Elle a une nouvelle vision biaisée. On l'a déjà vu dans une des scènes dans la salle d'informatique où très clairement elle avait la dent très dure envers James. Et quand elle parle de James, en fait elle parle d'elle, hein, ce qu'elle lui reproche. Et ça, absolument. Voilà. Freud aime ça. Ce que Cordelia va relever de façon très précise à la fin de cette séquence. Ben oui, parce que pour rappel, donc Buffy a couché avec Angel, qui est devenu Angelus, et qui Angelus maintenant essaye de la tuer. Méchant. Et c'est exactement, et c'est ce que va, c'est ce dont va se rendre compte James. Donc il va se trouver proche de Buffy. On va le voir plus tard, puisque Il a comment dire, James, voilà, va voir que l'amour, je suis perdu. Il y a une super blague de la part de Xander qui est arrivée. Ah voilà. With that buff, he's dead. Par rapport à Angel, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. C'est ça. Merci de m'avoir sauvé, parce que je m'étais embarqué dans une phrase que je n'avais pas à finir. Il n'y a pas de fin. Oui, je connais ça très bien. Merci beaucoup. De rien. Argent. De rien. Et donc là, on est avec Buffy dans sa cuisine, qui tombe sur un tract de la soirée Sadie Hawkins. C'est pas bizarrement écrit à l'envers, c'est crypté, il y a un message. On ressent le besoin quand Angel d'elle. C'est pour pas que. Je sais bien. C'est un objet flashback, par contre. On précise. C'est un objet qui est. C'est un objet qui apparaît dans sa poche de façon naturelle. On est d'accord. C'est pas la soirée Sadie Hawkins de 80. Non, c'est bien un tract, un flyer de 1955, tout à fait. Et on voit qu'il y a une connexion énergétique et mystique entre elle et James, qui fait qu'il a ressenti sa douleur, sa culpabilité, son besoin de rédemption, et qu'il l'appelle. Comme de véhicule pour transmettre son message. Elle passe dans le nid d'abeilles ou de guêpes. Donc Buffy, le téléphone portable tueur de vampires. Voilà, donc c'est ça, c'est cette phrase que j'ai essayé de faire. La connexion entre James et Buffy, c'est que Buffy s'en veut d'avoir presque tué Angel en l'ayant changé en Angelus, ouais. Comme James. Elle a tellement se reproche qu'elle l'a tué, d'avoir tué Grace par amour. Voilà, c'est cette culpabilité-là, doublée de la culpabilité d'avoir laissé Jenny mourir. Donc la charge pour Buffy est assez énorme à ce moment-là. Alors, de la saison. Priorité directe, hein, nous avons l'arrivée de Buffy dans l'essaim, la pénétration de l'essaim du méchant de Lost, n'est-ce pas ? Ça pénètre. Qui a traversé. Ils ont mis le même plan, ils sont voilà, exactement. Et elle vient de traverser la porte qui a été réparée en 30 secondes top chrono. Et voilà, le Scooby Gang sans Buffy revient vers le lycée, et pour nous montrer ça, ils nous remettent le même plan, mais avec Buffy dedans. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est un véritable scandale. La réutilisation de vieux plans, des fois ça marche, comme on l'avait précisé lors du dernier podcast, mais parfois ça ne marche pas du tout. Mais alors, le plan Owen, ça fonctionnait en saison 1. Le plan Owen marche tout le temps, tu peux mettre du plan Owen tout le temps, toutes les saisons. Deux choses, la seule personne à être bien habillée ici, c'est Cordelia, et ensuite, il faut vraiment que les personnages arrêtent de dire to get shot pour dire se faire tuer, parce que les démons ne shotent pas. Ah, eh est-ce oui. Que c'est pas une expression Alors non, je pense que là c'est juste. Surtout que là, dans cet épisode-là, justement, le fantôme tire sur. Ah oui, non, pardon, j'ai rien dit, excuse-moi. Ce sont les premières personnifications du fantôme. On a vu depuis le temps qu'il y en avait eu d'autres, et que du coup, ça devenait vraiment. La foire aux apparitions dans le lycée. Oui, c'est vrai. Là, on est sur des portails, des portaux. Ah oui, pardon. Là, on est sur la meilleure scène de la meilleure scène, donc priorité direct, évidemment. Donc voilà, donc Jace nous a dit que Buffy ne courait aucun danger tant que personne d'autre n'entrait dans le lycée pour jouer le rôle de James et donc la tuer. Évidemment, qui voilà. Et là, il y a un twist incroyable. Angel, malgré tout, est attiré aussi par la force fantomatique, par le poltergeist, est attiré dans le lycée. Ils se mettent à rejouer la scène, sauf que, inversion Buffy des genres. Buffy commence à le faire, ouais. Voilà, inversion des genres. Angel, en s'approchant, se retrouve. C'est Buffy qui interprète James, et c'est Angel qui interprète Grace, donc l'enseignante aussi, plus âgée. Exactement. Et finalement, les rôles que Buffy et Angel incarnent ici correspondent à leur âge respectif. Hein. C'est Angel, l'aîné, qui. Et qui à leur rôle également. Voilà, et c'est déjà assez programmatique de ce qui va se produire aussi à la fin de la troisième saison, où Angel va décider de partir comme Grace essayait de le faire à ce moment-là dans cette scène de 1955. Et tu crois pas si bien dire, c'est parce que on revoit quasiment la même relation. Scène dans les égouts de Sunnydale à la saison suivante. Et, puis, et la légende veut que c'est Joss Whedon, en voyant cette scène, se soit dit que Boreanaz, donc l'acteur qui joue Angel, bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'il était très très bon, et il faudrait qu'un jour qu'il ait sa propre série. Il paraît que ce serait à ce moment là qu'il aurait eu l'idée de se dire il faut monter. Par contre, on voit dans le conducteur que tu craches sur Sarah Michelle Gellar à ce moment là alors, enfin tu craches, c'est ce qu'elle joue pas bien, c'est ce que j'expliquais avec ce concept de d'abord faire jouer donc les acteurs de 1955, donc Meredith Salinger et Christopher Gorham, et après montrer les scènes aux autres comédiens qui doivent interpréter la même scène mais avec leur personnage, sachant que leur personnage interprète aussi d'autres personnages, je me suis dit que c'était, elle en fait trop, ça fait beaucoup de niveaux d'interprétation à faire, et moi j'ai l'impression qu'ils se sont un peu perdus là-dedans, et que je sais pas moi, le rapport qu'on vient de voir entre James et Buffy, ça fonctionnait bien, moi aussi, au niveau de l'expression du visage. Alors, je tiens à dire qu'en VO c'est vraiment excellent, par contre en VF on a clairement Sir Michel Gellar qui est clairement au-dessus, parce que David Boreanaz est très très mal doublé. Bah oui, Patrick Borg à ce moment-là, il est complètement aux fraises. Hein. Je l'aime beaucoup. Non, mais je l'aime beaucoup. Mais là, en fait, il dessert complètement le personnage et il nous fait un Angel Dawson ultra cliché, absolument horrible. Moi, j'ai l'impression que les acteurs de 55 en ont fait un petit peu trop à la base. Les autres en font trop. Et que du coup, après, mais bon, Angel, il est énorme. Donc ça, là, on a une super expression de trauma et de stupeur de la part de Sarah Michel Gellar. Incroyable. Le bon faux raccord avec. Donc oui, mannequin qui tombe. Voilà, la chute déjà est très haute, donc elle a à chaque fois été filmée dans le mauvais sens en fait, parce que la personne qui tombe est censée avoir la tête vers l'extérieur du lycée et a toujours la tête vers l'intérieur, donc les trois chutes sont des mauvaises. Bah, si, pas avoir fait deux tours en tombant. Si, on parce que pas la hauteur. Parce que faire une erreur de raccord, autant la faire tout le temps, tu vois. Voilà, c'est raccord dans l'erreur. Et vous pouvez aller voir le making of de cette chute sur les merveilleuses vidéos de Jeff Pruitt, dont on parle régulièrement. On vous mettra le lien dans la description de l'épisode. C'est-à-dire qu'il se fait virer. Ils en parlent. Joss Whedon était très fâché d'ailleurs. Oui, mais on parlera de mais bref, on peut voir le making of de ces chutes Angel se relève, sur YouTube. Contrairement aux autres personnes qui ont été possédées par le poltergeist. Il est le seul à pouvoir briser le cercle vicieux. Oui. Il est le élu. Ça change tout, justement. Mais oui, voilà, c'est excellent. Et ça, c'est très beau. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Sarah Michel Gellar voyait tout à l'heure un flashback de cette scène qui n'a pas existé en fait. Parce qu'elle regardait à travers la porte de la salle de musique le couple danser. Alors on peut. C'est ce que James aurait voulu voir s'accomplir. Et en fait, comme c'est James qui entre en communication avec elle et qui l'attire dans le lycée, c'est son rêve. C'est un vrai flashback, quoi. Exactement. À ce moment-là, c'est le rêve. Et c'est aussi la fatalité. C'est aussi la fatalité de sa propre vie. Il montre son fantasme. C'est aussi la fatalité de sa propre vie. C'est comme ça que c'est terminé entre eux. Vous allez peut-être un peu loin. On peut aussi envisager qu'ils aient peut-être dansé ensemble avant d'avoir cette dispute avec la musique tout seul, avec la même musique, mais non, mais c'est le même cette cas. Danse c'est une métaphore du make-up sex, tu vois, après qu'on se soit engueulé on fait l'amour et tout va mieux. Et voilà, et c'est ça qu'il voulait réaliser, mais il avait d'abord besoin de se décharger de sa pulsion destructrice, hein, et oui, par le biais d'un coup de feu, n'est-ce pas ? Tout à fait, je l'ai dit. Et voilà, et donc c'est pour ça que c'est pas moi qu'en parle. L'élu normalement c'est Buffy, sauf que dans cet épisode-là en fait ce n'est pas elle, mais Angel, car de par son statut vampirique, n'est-ce pas, eh bien, il peut survivre à la décharge fatale du coup de feu. On a loupé un plan Code Quantum où Buffy s'est regardé dans une glace et en fait, dans son reflet, c'était James. Voilà, bah, ça me fait penser merci à Code Quantum. Cette belle référence. Quand il fait oh bravo. Et donc là, ça se termine dans un magnifique effet spécial, génialissime. Voilà, un effet spécial, un baiser langoureux. Buffy se voit accorder le pardon. Qu'elle ne s'accordait pas elle-même. Donc là, on a quand même un gros moment de fan service, parce qu'alors qu'il y a deux épisodes, on pensait que l'histoire entre Angel et Buffy était complètement morte. Avec le plan salive labial. À l'époque, on a vu cette pour la première fois. On a quand même droit à une scène de baiser Angel Buffy assez formidable. Qui se termine mal. Même pour moi, fois. Je ne suis pas du tout Angel. Mais c'est le meilleur couple de la série, quoi. Non, mais c'est une super idée. C'est le couple le plus sain de la série. Et puis c'est une super idée. À part Willow et Tara, bien sûr. Cette histoire de possession par des fantômes, c'est une super idée pour justement revoir le couple et régler le trauma. Ouais. Comme il y a souvent ça aussi dans les séries. Le break-up sex, comment ça s'appelle quand tu make up sex. Non, quand tu baises, mais après avoir rompu pour rompre. Enfin, c'est un nom. Enfin bref. Non, oui. C'est exactement ça, on a ça. Ça, c'est juste le gros bordel. Mais ça prépare le final, c'est aussi, qui est dans deux épisodes, qui est justement. C'est exact. Mais c'est exactement à ça que sert aussi cette scène, de les revoir une dernière fois, régler leurs problèmes. Ils n'ont pas pu se dire adieu parce que la rupture s'est faite d'un coup comme ça, et là, ils peuvent. Et c'est un bon exemple dans cet épisode de comment, dans Buffy, on va servir d'éléments un petit peu de mythe, de légende, pour faire avancer les personnages dans leur développement psychologique. Et là, en passant par l'hommage générique à Poltergeist, on permet aux personnages d'Angel et Buffy de régler des choses qui auraient été très difficiles de régler dans un discours classique, puisque les personnages ne pouvaient plus se parler, ou s'ils l'avaient fait, ça aurait été très démonstratif. Donc là, le passage message par cette histoire un petit peu fantasmatique et par Poltergeist permet de résoudre ça, et on va le retrouver souvent dans la série, dans plein d'épisodes un petit peu hommage générique. Priorité au direct, Angel est torse nu. Carole, merci. Je suis désolé d'intervenir. Merci de me ramener à moi-même et à mes priorités. Mais l'épisode ne pouvait pas se terminer sans qu'on ait un plan Angel torse nu. Il se sent ça, il a été souillé par l'amour. Il tapait contre un pilier, une colonne grecque. Il dit par quoi cette scène de fin est géniale. Ouais, il se sèche avec sa propre chemise. C'est tellement viril. C'était quoi? Il dit c'est l'amour. De façon un petit peu cynique, ça rappelle un petit peu toutes les scènes de viol qu'on peut voir au cinéma où les filles vont toujours se laver après. Donc il y a l'idée qu'il a été vraiment, il a été souillé par Buffy, qu'il est atteint par l'amour, par l'amour, et qui donc de façon inverse finalement, il se sent agressé non pas par la monstruosité d'un autre être mais par son humanité. Ça renvoie à la dualité intrinsèque. Donc là c'est tout un travail d'inversion qui est intéressant. Puisque Angel, en fait, qu'il ait son âme ou pas, ça change juste le switch de sa double personnalité, ce qu'on trouve totalement dans Angel. C'est-à-dire il y a toujours Angel et Angelus qui coexistent. Ah. Priorité directe, Spike et se la, sort de son fauteuil. Et la révélation Spike. Un petit pas pour l'âme et un grand pas pour Spike. Et un grand bec kick dans sa race. C'est super cliffhanger. Fauteuil roulant. Rappelons que ça fait 10 épisodes que Spike est en fauteuil roulant. Il en fait un peu des caisses là. Mais bon, non, mais rappelez-vous le monde d'hystérie qu'on a vécu la première fois qu'on a vu cet épisode. C'est trop bien, ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça fait 10 épisodes qu'on attend qu'il se lève de sa putain de chaise quoi. Bah, top, c'est un vampire normalement. Enfin, le lendemain, il devrait plus avoir mal aux jambes, il devrait être debout dès le lendemain. D'accord. Après, c'est un orque. Il s'est pris un orque sur la tête quand même. C'est chaud. C'est la fin de l'épisode. C'est l'épilogue. C'est la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Alors oui, donc la conclusion, ça va nous permettre de revenir sur éventuellement des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de dire, pour moi, et de conclure voilà ce qu'on avait à dire sur l'épisode. Donc là, moi, je suis en train personnellement de... parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de dire pendant l'épisode. Donc je vais en profiter pour le faire comme un tout petit truc, mais par exemple dans le bronze, on avait une affiche du groupe Lotion, groupe qui avait joué dans l'épisode Phases, quelques épisodes précédemment. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir un peu dans la déco des rappels aux épisodes précédents. Que voilà, que Willow, toujours dans le bronze, toujours dans cette première scène au bronze, Willow disait à Buffy, You came, you saw, you rejected, paraphrasant le fameux je suis venu. Voilà, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, en changeant vaincu par tu as rejeté à Buffy. Et Buffy, on lui prête souvent voilà des répliques de chef de guerre. C'est une chef de guerre. Elle même, est une chef de guerre, voilà. Surtout à la fin. Et même dans l'amour, même dans l'amour, dans son rapport à l'amour, c'est une chef de guerre. Elle qui domine, elle est plus forte que les figures dominantes. Enfin, ça me fait penser pas mal à Face, justement, au fait qu'elle soit vachement dominante aussi dans ses rapports. Mais d'une manière vachement différente de celle de Buffy. Ouais. Voilà, ça me fait juste penser à ça. Ouais, mais c'est qu'elles n'ont pas du tout le même rapport. Et pourtant, elles sont dominantes toutes les deux, leaders toutes les deux, mais de manière très différente, et c'est quand même vachement intéressant. Exactement. Juste un truc à dire, parce qu'après, je vais laisser quand même le micro à Phoebe, parce que je n'ai fait que parasiter ça, n'est-ce pas, l'épisode depuis tout à l'heure. Oui, les gens se plaignent sur le chat, ils sont scandalisés. Hein. Alors on m'a dit que j'étais génial au départ, ça m'a touché. Donc je me suis dit on va continuer là-dessus. et là ils me disent mais voilà, alors oui d'accord, ok d'accord, j'arrête de parler. Juste un dernier truc, voilà l'affiche Computer Terms à côté de Buffy. Ah voilà, oui bah c'est fait, quand ça faisait partie des choses dont je voulais parler aussi, voilà, ouais, vas-y. Juste un petit truc à rajouter là-dessus en tant que... Donc quand Buffy, on est d'accord, dans la salle d'informatique avec Willow et Xander, ils sont en train de parler de James, ils viennent de découvrir que James avait tué son amour et sa prof en 1955. Et Buffy dit qu'il ne mérite aucun pardon, et à ce moment-là, derrière elle, à côté d'elle, il y a une affiche Computer Terms. Cette affiche prend tout son sens de manière méta, n'est-ce pas, par rapport à l'épisode, puisque dans Computer Terms, tu as en filigrane le côté de la période temporelle. Voilà, t'as deux lectures. Voilà. Répète, voilà, exactement. Certains ont compris. T'as ce côté, elle est dans sa période ordinateur, en gros, voilà. Et aussi le langage ordinateur. Elle est très binaire à ce moment-là. Ce mec-là a fait une chose mal, il doit mourir. Elle résonne un peu comme une machine. Voilà, exactement. Et en plus de ça, on se retrouve sur une espèce de boucle temporelle qui se joue à travers à chaque fois différents couples de personnages, comme si elle cherchait son bon couple de personnages qui vont pouvoir la rejouer, mais cette fois-ci la résoudre, la transcender en un sens. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et voilà, c'est là que la présence d'Angel est intéressante, parce que bah, lui, il peut se prendre autant de balles qu'il veut, il ne mourra pas. Le chanceux. J'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de Cordelia dans cette conclusion, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Mais... Merci Carole. Oui, ben oui. Voilà. Et en particulier du comportement de Cordelia dans certaines scènes, comme la scène après la cafétéria où elle s'est fait attaquer par les serpents, où elle dit mais j'aurais préféré en fait complètement mourir que de me retrouver défigurée de la sorte, ce qui est assez programmatique, puisqu'on va voir qu'après elle se voit à un moment donné de façon assez magique défigurée complètement dans le miroir. Dans les toilettes du lycée. Mais je voulais parler de Cordelia, puisque là, on voit un personnage qui est extrêmement superficiel, qui incarne une féminité très cliché dans tout ce que ça peut avoir de doux, de délicat, d'autocentré, d'égocentrique. Tout ce, bien sûr, à quoi nous ne nous identifions pas, les filles qui écoutons ce podcast. Elle déteste ce concept de soirée Sadie Hawkins. Elle trouve ça scandaleux. Elle trouve ça scandaleux, ouais. Parce que Cordelia a des valeurs très conservatrices. Bien. Les garçons doivent inviter les filles, exactement. Etc. Elle rêve de se marier avec un bon parti et de pas forcément travailler, hein, on le voit plutôt dans la série où elle veut fricoter avec les garçons de la fraternité pour faire un bon parti rapidement. Dans le pilote de Angel aussi. Dans le pilote de Angel, on la voit aussi, elle cherche une fortune pour faire un bon mariage. Mais enfin, je voulais dire tout ça sans revenir sur tout le parcours de Cordelia en détail. C'est intéressant, ouais. Juste parce que justement, ça nous montre que la série Buffy ne montre pas uniquement des personnages de femmes fortes qui seraient un petit peu les égéries du female empowerment, des figures comme Buffy justement qui domine dans la discussion, dans les conversations, dans les choix, mais que la série décline plein de types de féminité différents. Et justement, on a le droit d'être une Cordelia tout le temps, on a le droit de l'être de temps en temps, on a le droit d'être une Willow, et c'est bien qu'il y ait tous ces modèles-là. En fait, on ne nous impose pas un modèle dominant. Ça ouvre des portes à l'évolution, parce que Cordelia devient une égérie du féminisme dans Angel. C'est là que je voulais en venir, tout à fait. Pardon, merci. Excuse-moi. Mais non, on est sur la même longueur d'onde, c'est parfait. Je suis désolé. Moi, je voulais aussi continuer de profiter de cette conclusion pour revenir sur donc le bouquin d'Ernest Hemingway, où vous m'avez pas laissé le temps de finir, hein, scandaleusement. Donc, je vous parlais du parallèle. Il y avait un parallèle flagrant entre le personnage de Fred, donc cet ambulancier de 18 ans qui vit l'histoire d'amour pendant la Première Guerre mondiale avec une infirmière écossaise de quelques années de plus que lui, et que ce personnage, pendant tout le bouquin, on savait jamais si on devait le détester parce que c'était un petit con qui ne pensait qu'à l'amour et qu'à bouffer, alors qu'autour de lui c'était une guerre effroyable et que plein de gens mouraient, et on sentait que c'était un petit bourgeois qui s'en foutait, donc on a envie de le détester, c'est une tête à claque, et par moments, comme James, par moments on se surprend à avoir un peu d'empathie pour lui, à changer de point de vue, à se dire ah oui quand même, c'est pas facile tout ça. Bref, il y a un gros parallèle à faire entre ces deux personnages, et aussi parce qu'il faut savoir que le bouquin, une grande partie du bouquin est autobiographique en fait. Ernest Hemingway a aussi été ambulancier en Italie, donc pendant la Première Guerre mondiale, et surtout pour finir ce parallèle entre les deux personnages, Ernest Hemingway s'est suicidé par arme à feu, lui il a pris un fusil, tout comme James se suicide en 1955 avec son pistolet, donc on pouvait y voir vraiment, enfin le choix de cette œuvre, le choix de ce livre n'est vraiment pas anodin. Comme d'habitude dans la série. Comme d'habitude. Et encore une dernière chose, c'est qu'en 1954, donc un an avant les événements donc, qui nous sont racontés, Ernest Hemingway reçoit le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Pas forcément pour L'adieu aux armes, parce que L'adieu aux armes donc, a été écrit en 1929, mais il reçoit le prix Nobel de littérature en 1954. Donc on imagine que oui, en 1955, c'était un auteur un peu très connu, donc, et ça semble logique que la prof conseille un livre d'Hemingway à son élève à ce moment-là. Donc c'était un très bon choix pour toutes ces raisons. Ça faisait partie donc des choses que j'avais pas eu le temps de dire. Et Riley, tu avais une conclusion toi peut-être ou pas? Oui. Ben vas-y, fais péter la conclusion. Non, juste, il y a un truc, on n'en a pas du tout parlé dans l'épisode, et en fait je comprends pas vraiment ce que c'est. Ah. Vous allez peut-être m'aider. Oui. quand Giles il sort, il entend un I need you, d'accord ? Giles ouais. Il sort de sa bibliothèque juste avant le meurtre, et avec la voix de Jenny en off. Et Buffy entend le I need you de Angel au moment où elle est dans la cuisine, je crois, ou dans le salon, dans la maison. Parce que le poltergeist est un esprit frappeur, mais est aussi un esprit malin. Ouais. Donc il sait jouer avec les peurs et les fantasmes, il les attire, il peut prendre la voix qu'il veut. On le voit beaucoup ça dans les films de fantômes. Alors j'ai encore une autre théorie qui va dans ton sens un peu, Carole, mais c'est tout simplement que le poltergeist ce serait une somme d'énergie liée à une thématique qui va résonner chez chacun de ces deux personnages d'une manière très personnelle, très subjective. Ouais, donc ouais. Ça expliquerait que cette thématique du I need you se retrouve exprimé à la fois d'un côté par la voix de Jenny Calendar, de l'autre par celle d'Angel. Voilà, sinon il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, mais alors moi je me. Déjà c'est un épisode génial, hein. Est-ce qu'on l'a bien répété ça, on l'a dit plusieurs fois, je crois. De niveau mise en scène, scénario, etc., même de la saison 2 et de la série tout court. Hein. Et moi ça me rappelle, en fait, on en parlait je crois avant le podcast, quand j'écoutais la BO dans ma chambre de Buffy avec cette chanson. Non, mais est-ce qu'on a montré le CD est-ce qu'on a assez montré le CD à la caméra? Montre le CD. Est-ce que Fébé a envie de parler ce CD, de ton expérience avec cette BO? Oui, CD, ouais. Vas-y Fébé, ouais. Moi aussi, j'ai pas mal passé d'heures à écouter cet album. Donc quand là, j'étais ado. Splendid Charge, il est là. Oh. C'est vraiment l'un des albums que j'aime le plus encore aujourd'hui, alors que je l'ai écouté quand j'avais quoi, 12 ans. Et maintenant, je l'écoute encore. Ça m'arrive encore à des périodes de l'écouter régulièrement. Vraiment. C'était une des forces aussi de la série d'avoir une bande son pas dégueulasse. Ouais, quand même. Et cet épisode est marquant aussi. Ouais. Parce que maintenant, c'est vraiment dans les séries actuelles, c'est toujours un peu le même type de musique. Et c'est vraiment dommage. Ce sont des tubes dans les séries de Buffy. Oui, c'est ça. Alors que Buffy, c'était quand même une série où on mettait en valeur aussi des petits groupes, des artistes de plein d'époques différentes. D'ailleurs, je crois qu'il y a un site qui est consacré à la musique de Buffy. Ah, c'est The Bronze. Alors tu as The Bronze et tu as Buffy Score également, si je ne m'abuse. Avant de terminer la conclusion, des choses à ajouter en conclusion sur cet épisode. Est-ce que je vous ai parlé du Samsara? Alors oui, on en a parlé tout à l'heure. Tu nous avais teasé un truc. Voilà, est-ce que j'ai fini de teaser ou pas? Non, ben, vous ne savez pas. Après avoir teasé, faut conclure. Eh bien, c'est pour ça. C'est un concept bouddhique que je peux pas vous expliquer correctement parce que d'une, je ne connais pas du tout le bouddhisme. De deux, je suis pressé temporellement. Mais en gros, on pourrait le résumer comme étant l'ensemble de thématiques qui nous poursuivent d'une incarnation à une autre. Et dont nous devons prendre conscience afin de pouvoir les résoudre atteindre le nirvana. Et dans cet épisode, nous avons exactement ceci avec justement le ou les fantômes, on ne saura peut-être jamais, qui ouais. reproduisent inlassablement la même scène jusqu'à trouver le couple de personnages qui leur permettront de transcender cette condition. Lié à la fois complètement à l'ego mais aussi à la mort ouais. et donc il y a besoin d'avoir un personnage incapable de mourir car déjà mort pour pouvoir exprimer le truc jusqu'au bout sans pourtant en mourir de décès. Et donc du coup c'est la formulation qui a été utilisée par Joss, que nous aimons tous, pour du coup résoudre ce samsara en l'occurrence, et donc permettre à la fin, la transcendance du poltergeist qui se retrouve dispersé dans l'astral et affranchi, n'est-ce pas, tel un Bouddha libéré. Alors okay. Juste sur la question de l'énergie mystique et de la méditation, je veux rebondir là-dessus parce que en voyant ce moment en fait où Buffy, Xander, Cordelia, Willow font le triangle d'énergie mystique pour essayer de canaliser le poltergeist. Ouais. Ça m'a refait penser à la fin de la saison 4, au moment où Buffy, Willow, Xander et donc Xander le cœur que j'évoquais tout à l'heure, absolument. C'est cette idée en fait, on parle en méditation de créer avec un cercle de méditation un égrégore d'énergie, et ça ressemble beaucoup à ça en fait. On a l'impression déjà que tous les personnages dans cet épisode-ci dont on est en train de discuter, sans vouloir partir dans des délires mystiques, tout ça pour dire que on a cette récurrence comme ça de la convergence mystique de l'énergie des personnages principaux. Oui. On nous montre à chaque fois à quel point la tueuse ne peut pas agir seul, mais que c'est vraiment l'énergie du groupe en fait qui permet de vaincre le mal. Et on voit que là, il y a le groupe est déséquilibré parce que dans cet épisode-là, Giles ne participe pas à ce moment d'exorcisme. Donc toutes les énergies ne sont pas là convergentes pour pouvoir lutter, mais ce sera le cas à la fin de la saison 4. Là, je crois qu'on a bien fait le tour de la conclusion. Moi, je voulais conclure la conclusion avec on part très loin. Conclue une conclusion, nos amis. Avec un petit sondage. Oui. Parce que non, il y a pas de sondage. Je me suis mis moi aussi au faux sondage. Je me suis mis au sondage. Tu t'es auto-sondé, est-ce que tu veux en parler? Parce que il y a quelques jours sur les internets, je me suis lancé dans l'exercice périlleux du sondage. Et c'était un sondage concernant notre épisode et le concept de la soirée Sadie Hawkins. Alors vous allez voir, ça va redevenir très très terre à terre, hein. On va plus du tout être dans le mystique. J'ai demandé à nos auditeurs et auditrices si elle se retrouvait dans le cadre d'une soirée Sadie Hawkins où les filles doivent inviter les garçons, vers quel personnage masculin du Buffyverse se porterait leur choix. Et donc j'ai les résultats en direct, je vais vous les donner. Vous allez voir, c'est assez surprenant puisque contre toute attente, sur le chat est en feu. C'est pas le vrai sondage. C'est Tonton Giles qui gagne. Bien sûr. J'ai failli te spoiler en faisant une prédiction de médium en disant Giles, Spike et Angel. Non, c'est donc Tonton Giles qui gagne. Spike arrive en deuxième. Ouais, évidemment. Et après on a un agrégat de diverses personnes. Donc on a Xander, Oz, tout ça c'est ex-aequo, Scott. Ah, mais ils sont cool. On a même Jonathan et Andrew. Et on a Big M aussi qui a reçu une voix. Qui a voté Big M? Ben lui-même. Donc voilà, là je crois qu'on a bien fait le tour. Tout ce qui est soirée Sadie Hawkins, fantôme, tout ça, on est bien. Et très bien. On va donc conclure la conclusion pour de vrai. Et on va passer à une toute nouvelle rubrique. Ah merde, j'ai peur. Attention, ça va être la rubrique de l'énigme de Tonton Jaès qui a même droit à son propre jingle. Je voudrais t'écrire les mots vrais, guider ton destin, être comme un père qui transmet et qui te prend la main. Si tu veux la clé, il va falloir répondre à une énigme. Une quoi? Plus il est chaud, plus il est frais. Qui est-ce? Je m'en branle en fait, juste donne-moi la clé, parce que j'ai pas que ça à foutre en fait, on s'en fout. Non, c'est pas ça. Énigme de Tonton Giles numéro 8, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'énigme. Ah, il y a la musique en plus, c'est parfait. Ça va se passer en deux temps. D'abord, je vais vous raconter une petite histoire de Tonton Giles. Donc ça se passe entre la saison 3 et la saison 4. Vous situez un petit peu, Giles n'est plus observateur. Et du coup, il part en sucette, il met des sombreros et il s'achète des bagnoles et tout. Et c'est un soir de déprime, il est dans un bar chez Willy, le fameux bar de démons. Vous connaissez ? Il est avec son pote Bill, qui est un démon basique, hein, que j'ai inventé. Et il est en train de discuter avec Bill. Et à un moment, Bill dit « Bon, bah moi, je vais pisser. » Un peu comme Orjan tout à l'heure. Et à ce moment-là, Willy lui dit à Bill « Non mais fais attention, les toilettes, c'est la porte, c'est au fond du couloir, là-bas, porte de gauche, pas la porte de droite, parce que la porte de droite, il y a une sorte de mini-bouche de l'enfer qui vient de s'ouvrir, c'est chaud, faut pas aller vraiment porte de droite, n'y va pas. » Du coup, Bill, il y va, Jace, il attend tranquille, il boit son demi, sa pinte plutôt. Et puis là, au bout d'un moment, Bill, il revient pas, quoi. Jace, il s'inquiète, tonton Jace, du coup, il y va. Il arrive au bout du couloir, il ouvre la porte de gauche. Bon bah c'est des toilettes. Et il n'y a personne dans ces toilettes. Du coup, tonton Jace ouvre la porte de droite. Et là il voit, il y a effectivement une sorte de bouche de l'enfer. Il y a un immense trou. Et au fond du trou, il y a Bill écrasé en bas. Quoi. Il est déjà tombé. Willy, le patron du bar, c'est un accident. Il n'est pas trop sûr quand même. Mais non, tonton Jace, il est sûr. Il dit... C'est un meurtre. Donc la question c'est pourquoi Tonton Jace est sûr que c'est un meurtre. Donc vos réponses dans les commentaires. Et parmi les bonnes réponses, donc il y aura un article sur le site, hein, qui résume toute l'énigme. Et parmi les bonnes réponses, parce qu'il y aura peut-être plusieurs, enfin ça c'est en espérant, celui qui me donnera le nombre de mots qu'il y a dans le jingle de l'énigme de Tonton Jace qu'on vient d'entendre, donc pour les gens du live c'est chaud, donc tout ce qu'on vient d'entendre avec la chanson de Jace en français Et le père Fouras aura la bonne réponse. C'est une question subsidiaire pour départager les ex-échos. Il y aura un article. Et des cadeaux à gagner pour ce week-end. On sait pas trop les cadeaux encore. Des cadeaux. Peut-être une BO de Buffy, mais tout le monde l'a. Peut-être un dîner privé avec Charisma Carpenter, on m'a dit, je crois. Tout à fait. Ce qui est complètement génial, c'est qu'on a terminé avec cet épisode, on a terminé avec la rubrique de l'énigme. On peut passer au Dijon et au dessert. Et le Dijon. Et on va passer à la rubrique des invités. Attention, c'est parti, c'est les invités. Je suppute que c'est un digestif. Buffy c'est génial. Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires. C'est badass. Et elle est gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça me donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Alors voilà, c'est l'heure des invités, c'est à vous de bosser maintenant nos amis, les invités. Orjan et Phébé. Alors, je vais peut-être laisser parler Phébé en premier, parce que moi, j'ai beaucoup parlé pour très peu de choses intéressantes, effectivement. Ah oui, j'allais te le dire. Mais voilà, enfin, aucune raison de venir depuis Bordeaux et de me taper des insomnies de taré depuis 3 heures de train, d'en faire la panique la plus absolue. Non, il y a des chances que tu sois intégralement coupé au montage, je suis totalement conscient. Et c'est pour ça que j'ai ramené avec moi une caution culturelle novatrice en la personne et de Phébé. Donc, Phébé, elle s'est tatouée. Priorité à Phébé. On va te poser, on a trois questions rituelles qu'on pose à nos invités à chaque fois. Donc la première, c'est quel est ton épisode de Buffy préféré? Oui, effectivement, question galère. Ah, c'est galère alors? Bon, d'accord. J'aurais beaucoup trop de mal à en trouver un seul. Évidemment, il y a ceux qui reviennent souvent. Je parle bien sûr de Hush, ouais. Once More With Feeling, ce genre de choses. Once More With Feeling, j'ai un petit truc avec cet épisode parce que c'est le tout premier que j'ai vu. Parce que quand là. Ah oui, t'as commencé par celui-là, d'accord. En fait, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais pas le droit de regarder quand c'était diffusé parce que j'étais trop petite, mes parents ne voulaient pas. Donc, du coup, quand j'ai commencé à grandir, ils ont bien voulu me montrer cet épisode-là et c'est avec celui-là que j'ai commencé. Et du coup, j'ai voulu absolument voir la suite, tout voir. Et donc voilà, c'est avec cet épisode que je suis un peu rentrée dans le Buffyverse, dans le Whedonverse. Après, bon voilà, choisir un seul épisode sur toute la série, clairement, c'est très dur. Mais c'est super intéressant que tu parles de What's War with Feeling, parce que donc, lorsque tu étais là, Carole, à la soirée qu'on avait organisée, enfin que Clément et Riley avaient organisée au dernier bar, qu'on avait appelé Once More with Buffy, on avait débattu sur la série, on avait fait après un karaoké sur les chansons de Once More with Feeling, et à un moment donné, c'était posé cette question: est-ce que Once More with Feeling est un bon épisode pour rentrer dans la série? Et on s'était dit que bah non, parce qu'il était tellement à part du reste qu'on pouvait pas. Et toi, tu apportes la preuve contraire, c'est que malgré tout, malgré que ce soit un épisode hors norme, qui ne ressemble pas vraiment au reste de la série, enfin tu voilà, ça t'a quand même donné envie de voir la série, c'est quand même Après cool. C'est vrai que c'est un épisode vraiment à part et je suis pas sûre que ça fonctionne avec tout le monde. Ouais. Parce que bon, comédie musicale oblige, hein, ça prend pas avec tout le monde, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à bien aimer ça, donc sur le moment ça a bien marché, et puis bon, j'avais 11 ans à l'époque, donc forcément, ça passe. Forcément c'était génial. Voilà, forcément c'était génial. Orjan, c'est quoi ton épisode préféré, toi? Alors moi, étant donné que je suis un petit coquinou, complètement, bien j'ai choisi l'épisode 8 de la saison 1 d'Angel. Ah bon, qui s'appelle quoi? Mais non, mais attends, tu vas comprendre. Ah, I will remember you. Tu veux vraiment te faire couper au montage? Je ne t'oublierai jamais. Mais oui, il est formidable. Mais je vous emmerde parce que je suis plus malin que tout le monde, hein. Pour dire à nos auditeurs, donc c'est l'épisode dans lequel Buffy fait son alors je vais le pitcher parce que je suis un mec sérieux. Ah, parce que tu es un spécialiste du pitch, on l'a vu tout à l'heure. Moi tu vois, je scratch the pitch. Et les fans de Gwen Oipes comprendront cette référence. Il y a de nombreux fans de Gwen Oipes sur le chat. Absolument. N'entends pas. Donc en gros, eh bien, dans l'épisode I Will Remember You, qui se traduit en français par Je ne t'oublierai jamais, n'est-ce pas, Buffy arrive à l'improviste à Los Angeles pour avoir une discussion avec Angel au sujet de l'assistance secrète qu'il lui a prêtée récemment dans l'épisode L'Esprit Vengeur. Ah ouais, voilà. Alors, mais oui, donc alors et pourquoi il n'y a pas d'autre épisode de Buffy qui te Pourquoi tu choisis celui-là? C'est vrai, tu fais exprès. Explique-nous. Mais en fait cet épisode, c'est le personnage d'Angel que tu préfères dans Buffy. Alors comme je l'ai peut-être déjà dit ou pas, en fait tu préfères Angel. Alors, tu es amoureux d'Angel. Mais c'est intéressant, vas-y. Ah non, en fait c'est juste que j'ai une relation de parallélisme avec ce personnage. Parce que à chaque fois Déjà, tu te balades torse nu régulièrement? Alors oui. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est vrai. On va se mentir, c'est vrai. Mais il fait partie de ces personnages anti-héroïques dans lesquels je me retrouve complètement et qui sont des figures qui m'aident dans pas mal de circonstances. La question du compromis à faire entre sa propre nature et son désir d'atteindre le bonheur et le fait qu'hélas nous ne sommes pas tous branlés pour devenir un jour heureux, n'est-ce pas? D'accord. Voilà, nous ne sommes pas tous égaux face au bonheur. Je trouve que cet épisode est très très très ouvert d'esprit quant à cette question. C'est un épisode qui apporte beaucoup d'amour et de compassion face à la tristesse de la solitude. Non mais c'est un choix intéressant et tu as donné la preuve que tu étais effectivement un petit malin donc en choisissant cet épisode. Donc bien joué Argent. Merci beaucoup. Là, la deuxième question qu'on pose à tout le monde, c'est comment vous avez découvert Buffy. Donc Phoebe, tu as répondu. Hein, c'est tes parents qui t'ont laissé regarder Westworld with Feeling. Oui, ça faisait longtemps que je voulais regarder. Des fois, ça m'arrivait de descendre en douce parce que. Parce que eux regardaient alors. Eux regardaient, moi j'étais couchée, moi je voulais regarder, je pouvais pas, donc du coup je regardais en douce. Mais bon, j'ai toujours voulu regarder et dès qu'on m'a dit que je pouvais, j'ai sauté sur les cassettes. Bon, c'était un peu problématique parce que mon père avait pas acheté toutes les saisons, du coup il y avait tout un morceau de la saison 6 que j'avais pas vu. Ouais. Et alors, du coup, un jour, quand j'ai enfin pu m'acheter les DVD, j'avais tout re-regardé, j'étais enfin heureuse d'avoir tout vu. Mais bon, ouais, cette série, c'est vraiment grâce à mes parents que je la connais et voilà. C'est alors, grâce à un gros bisou. Oui. Alors, Jean, t'as découvert ça comment, toi, Buffy? Bah, écoute, moi, je suis un voyeur temporel, donc en un sens, je suis un petit peu un vieux de la vieille. Moi, j'ai découvert ça avec la tragédie du samedi. La tragédie. La tragédie, mais bien sûr. Quand tu regardais Charm, je suis tellement un génie. Je suis tellement insomniaque et je suis tellement un génie que je fais des jeux de mots sans le faire exprès. Et là, donc, j'ai découvert Buffy de cette façon. Voilà, et puis je suis tombé sur votre podcast. Par la suite, dans le futur. Ben, il est tombé sur nous comment? Alors, c'est une excellemment longue comment histoire. Comment les gens tombent sur nous? Eh ben, écoute, je sais plus. Je sais plus. Je pense que, en fait, j'ai découvert pas comédiennement. J'ai découvert ce dont tout son petit parlait. J'ai découvert qu'il parlait de Buffy. Je me suis dit, putain, c'est ça que je m'attais quand j'étais jeune. Et maintenant, j'ai appris à écouter de la radio et des podcasts. Et recherchons donc s'il n'existe pas les podcasts sur le sujet. Putain, oui, bah, je suis à peu près sûr que c'est comme ça que je vous ai rencontré. On est les seuls à faire un podcast français Buffy. Ça a peut-être joué. Alors, Argent, donc troisième question qu'on pose à nos invités, qu'est-ce que vous faites quand vous regardez pas des épisodes de Buffy? Toi, il paraît que tu écris des romans qu'on peut trouver sur internet. Absolument. Raconte-nous ça. On a lu le début avec Riley. C'est une histoire de fin du monde, j'ai l'impression. Dan, alors je vais pitcher. De fin du monde. Attends, je vais pitcher. Ah ouais, vas-y. On va voir ce que le spécialiste du pitch en pense. Dan, qui a un groupe de musique, une petite amie Solène, un meilleur ami Kepa et un psy, à qui il raconte un jour qu'il a vu un mec lui annoncer la fin du monde. Et donc, est-ce que j'ai bien pitché? Donc, tu racontes l'histoire de ce groupe d'amis? Alors, moi je dirais 13,5, hein, on peut mieux faire. Très bien, bon, mais ça reste propre. Va. C'est ce que j'ai toujours non, eu. Non, en vrai, moi je dirais simple, efficace, on fait difficilement mieux. Vas-y, parle-nous un peu de ce truc. Alors, c'est fini ou pas? Alors, non, c'est en cours. Ah, c'est pas fini. C'est en cours. D'accord. Je suis en pleine réécriture. Je suis à 65 chapitres de la première version écrite. Je suis en train de tout réécrire. Enfin, en gros, pour pas trop spoiler, l'histoire parle de destin, de libre arbitre, de réincarnation et de strates de réalité et de voyage dans le temps et les différentes strates de réalité. Voilà, donc là, normalement, j'ai perdu la plupart de mes auditeurs. Non! Il y a eu environ 15 suicides. Mais par contre, faut leur dire à nos auditeurs, est-ce que tu leur conseilles de commencer à lire? Parce que donc, ton roman, on peut le découvrir sur internet. Ah oui, complètement. Est-ce que tu leur conseilles de lire même si c'est pas fini ou d'attendre que ce soit fini pour tout lire? Alors, je conseille aux gens de prendre des risques, mais des bons risques. Oui. Et que si ce qu'on a dit là ce soir, ça les inspire, qu'ils aillent jeter un œil au lien qui va être sans aucun doute dans la description du podcast. Il y a de grandes chances qu'il soit dans la description. Ah, bah, absolument, tout à fait. Et du coup, d'aller jeter un œil par eux-mêmes et de se dire, bah tiens, je vais tester, je vais commencer à lire et je verrai ce que j'en pense. Et si le mec il écrit comme un pied, et ben je me casse. Et si je trouve qu'il écrit bien, bah peut-être que même si pour le moment je comprends pas tout, bah je vais peut-être continuer. Très bien, c'est super bien. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de références à la musique. Sico, ça s'appelle Sico, S-I-K-O, c'est un acronyme que je vous laisserai découvrir. C'est un peu l'énigme de Tonton Orge de ce soir, n'est-ce pas? Très bien. Alors, on n'a pas non plus précisé que c'était un choral, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs persos principaux. Ah oui. Un peu à la manière de la horde du contrevent de Damasio, mais avec beaucoup moins de skill narratif, évidemment, parce que je ne suis pas Damasio, hein, je ne suis qu'un pauvre connard qui essaye d'écrire son bouquin. C'est non, Damasio. Par exemple, le personnage, il a l'air vachement bordélique, Dan, et en fait, il se met des alarmes sur son téléphone pour le psy. En fait, il y a des détails que je trouve un peu qui sont incohérents avec le personnage. Il est pointilleux, Riley. Il se met pas d'alarme sur son téléphone. Aussi, oh, une alarme lui rappelle qu'il doit aller chez le psy. Ah, c'est possible. Bah écoute, c'est possible. Après, je trouve que l'idée est géniale. Il y a des super répliques, comme tu dis, des bonnes punchlines et tout. Mais il y a des fois des incohérences de personnages qui mériteraient ce que tu. Alors en fait, tes personnages soient plus cadrés, en fait, je pense. Alors en fait, il y a une maladie psychique qui est très peu connue et qui fait de plus en plus de ravages et qui s'appelle la déréalisation. D'accord. Aussi relié à la dépersonnalisation. Et voilà, petit spoiler entre nous les amis, eh bien, c'est entre autres de ce mot-là, de ce mal-là. Enfin, ça fait partie des mots, voilà, dont souffre le personnage de Dan. Ok. Et donc, voilà, d'où tout ce que tu as relevé et qui te semblait incohérent, parce que voilà, c'est une maladie qui existe, qui prend de l'ampleur. Là, c'est vachement très sérieuse, parce que si tu veux, c'est un peu comme la dépression, mais en beaucoup plus pute, et en plus, elle te donne l'impression de vivre dans un univers qui est fait de carton-pâte. Ouais, c'est ça, mais tu joues peut-être sur les paradoxes aussi, de ce que j'essayais de. Enfin, en y réfléchissant, que ton personnage ait plein de paradoxes, ainsi que les autres, et l'univers dans lequel il se trouve. C'est ça, et en plus, partir sur une idée d'une fin du monde, comme je l'ai fait, qui est peut-être assez débile ou assez maligne, je sais pas trop, je peux pas le dire, pour n'avoir jamais été utilisé avant, me permet en plus, avec toutes les histoires de fluctuations de la structure de la réalité, de partir du coup sur un perso qui est à moitié fou de base, mais on sait pas trop, etc. Et ça va déjà poser des questions sur ce qu'est la réalité, ce qu'est la perception et la conscience. Ouais, et donc du coup, amener le lecteur à des réflexions qui vont être possiblement beaucoup plus profonde, si tant est qu'il a envie de s'investir dedans et de se dire, voilà, ce bouquin, il a un truc à me dire, j'y vais et je me plonge dedans. C'est intéressant. Eh ben, allez, c'est super intéressant. On encourage nos auditeurs à aller jeter un œil. Phoebe, toi, est-ce que tu fais quoi quand tu regardes pas Buffy? Raconte-nous un peu. Je regarde d'autres séries. Ah, tu regardes quoi? Ouf, c'est vrai que ces derniers mois, j'en ai pas regardé beaucoup, mais entre autres, celles que je regarde le plus, ce serait que je suis religieusement, bon, forcément Game of Thrones. Mais sinon, celle que j'aime beaucoup en ce moment, qui est pas encore terminée, mais bientôt, c'est Orphan Black. Ah oui, on entend qui mériterait un podcast, oui. Tout à fait. Ah, carrément. Il faut qu'on fasse un podcast sur Orphan Black. Il y a un Scooby-Doo joué par la même actrice. C'est quand même incroyable. Alors, et pour finir cette rubrique de l'invité, parce que tu ne fais pas qu'écrire des livres, tu fais aussi des fictions audio, Argent. Et d'ailleurs, à ce moment-là, un petit clin d'œil à Kokoff 72. Tu n'as pas encore fini d'écouter mes conneries, mec, et j'en suis profondément désolé. Kokoff 72, je me disais bien si. Ah oui, mais il est très célèbre dans le milieu. Hein. Il va être très d'inviter faire sa promo. On l'appelle le gentil troller. Le taquinou. Le gentil troller peut sûrement être très heureux d'apprendre que tu fais aussi. Tu te lances dans la fiction audio, hein, c'est et ça oui, absolument. Je n'ai aucune peur, aucun reproche, aucune épée. On a en totale exclusivité un extrait de ta fiction audio, donc qui s'appelle L'envers du décor, c'est L'envers du décor, absolument. D'ailleurs, merci beaucoup à Carole d'avoir fait un petit teaser avant l'heure, parce qu'elle en a parlé dans le podcast en disant non, là, on voit l'envers du décor. Vous réécouterez le podcast et vous vous en rendrez compte. C'était quoi, toi, écrit? C'était prémédité. Eh ben, nous sommes extrêmement et supérieurement intelligents. Vous ne pouvez donc pas nous tester. Merci. Je vais vous passer tout de suite un extrait du premier épisode dans L'envers du décor et on en parlera un tout petit peu après. C'est parti. Je vais me faire pipi dessus. Cette histoire se déroule dans un monde mystérieux, merveilleux et improbable. Lassé de la folie des hommes, Dre, une jeune et talentueuse étudiante en alchimie, au demeurant fort bandante, décida de créer son propre univers, fait de joie et de délices, en forme de bon gros fuck au quotidien orthonormé qui étouffait son existence. En perpétuelle expansion, décrochant le poids de la gravité pour écrire l'histoire à grands jets de crème glacée à la vanille, ce nouveau monde devint rapidement le dernier rempart face à la bêtise humaine. Mais Dre se sentit vite bien seul. À quoi bon pouvoir se prendre des cuites sans crainte de gueule de bois si on n'a personne avec qui les partager ? Heureusement pour elle, Orjan, un séduisant... Séduisant ? T'exagères, là. Mignon ? Ça, ouais. Beau, à la limite, ok. Mais séduisant ! Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Et puis, de toute façon, les gens ont besoin qu'on leur stimule l'imaginaire, qu'on leur vende du rêve, comme ils disent. D'ailleurs, c'est justement le sujet du J'aime lire de ce mois-ci. Excuse-moi de m'être arrêté à la naissance de la tragédie. Monsieur le grand académicien exégète, 25 ans d'études après la licence, beau gosse des mots, toi-même tu sais. Non, je peux reprendre là, ou tu comptes continuer à me raver les dos pour la face nord pendant encore 5-10 minutes, histoire d'être sûr. Pardon. Vas-y. Heureusement pour elle, Orjan, un séduisant... Séduisant. Parfaitement. Un séduisant mystique suédois qui, conduit vers l'occulte par sa soif de connaissance, fut répudié par sa patrie et condamné à errer dans le néant originel pour l'éternité. Mais c'était sans compter Dre, qui avait eu l'excellente idée de flécher le chemin vers sa réalité alternative avec des boîtes aux lettres. Bien qu'on ne sache encore aujourd'hui toujours pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, Orjan, impeccable dans son pantalon en peau d'ours polaire synthétique et sa veste Zara hors de prix torse poil même le corps, arriva directement dans l'univers de notre alchimiste après avoir pris la première à droite. Et c'est là que le fun débuta. Tenez, par exemple, aujourd'hui, ils s'apprêtent à donner naissance à leur premier enfant par le biais de la magie. Alors c'est ça. Ça commence comme ça, c'est deux... C'est un cliffhanger absolument incroyable. Deux personnages qui vont créer un enfant par la magie, c'est ça l'histoire. Alors en gros, ça c'est le début effectivement du pitch du pilote, et du coup là t'as choisi le bon passage pour donner l'impression que je dégorge mon ego à tire-larigot, et évidemment ce n'est pas le cas. Non. Parce que il y a plein d'autres moments, il y a d'autres personnages et voilà. Tout, mais il fallait que je fasse un choix, simple, je comprends. Tell Whedon, on joue à fond sur les codes et les jeux de pouvoir n'arrêtent pas de s'inverser. Ça va être un coup, voilà, la gamine qu'on crée par alchimie qui va dominer ses parents de manière totalement juste. Et ensuite, l'inverse complète. Il y a tout le temps ce type de jeu. Le tout dans une dynamique très absurde, très dingue. Et j'ai l'impression que cette histoire de réalité ou de fausse réalité t'intéresse aussi, parce que parfois j'ai cru comprendre qu'on était dans une réalité ou qu'on était dans une autre réalité. Enfin, c'est tu joues sur plusieurs temporalités ou plusieurs lieux, même dans cette fiction aussi, apparemment. En fait, on pourrait considérer l'envers du décor comme le pendant Douglas Adamesque, et là je me la raconte grave, de Psycho. C'est-à-dire là où Psycho va être plus sérieux que drôle, l'envers du décor va être plus drôle que sérieux, même si derrière on se casse assez la tête pour que ce soit Douglas carré. Adamesque a fait HBG2. Alors, donc, quand est-ce qu'on pourra écouter ça sur les internets ou autre part? Alors, sur l'internet ou dans la radio, et ça dépendra. Là, vous êtes en pleine. Ouais, vous commencez là en ce moment. C'est ça, on est en pleine création, répétition, etc. D'où aussi les soucis de qualité de ce qu'on a enregistré, puisque ça a été fait à la One Again avec un téléphone portable et une super appli que je vous recommande à toutes et à tous, un Midio Recorder, dans le bar d'une asso bordelaise. Ah, citons les bars, faisons de la pub au bar, moi j'aime bien. Voilà, le bar, en fait, c'est une asso avant tout qui possède un bar, mais qui n'est pas un bar, mais plutôt une asso qui s'appelle Lédil, l'espace de développement de l'imaginaire ludique, et qui nous fait l'amitié de nous accueillir afin de pouvoir bosser notre émission et faire plein de trucs, et c'est trop bien. Non mais donc c'est intéressant, si on a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont à Bordeaux, ça peut intéresser carrément. Donc tu rappelles le nom de l'asso? L'asso, c'est Lédil. Lédil, d'accord. Et du coup, dès que le podcast sera sorti, je la ferai écouter de force à tout adhérent et toute adhérente de Lédil. Bravo. Et pareil, il fait péter les liens, on mettra les liens dans la description du podcast. Carrément, on va faire de la pub, on va faire de la com, on va vendre nos boules. très des billards, bien sûr, des billards. de billard. Non, alors peut-être qu'on peut donc du coup enchaîner avec la rubrique de Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Why can't you just masturbate like the rest of us? Du gros morceau auquel on s'attaque, Riley, parce que c'est toi qui vas nous parler, je vais en parler aussi un petit peu parce que j'ai lu aussi. On va s'attaquer à la biographie de Joss Whedon par Amy Pascal. Et raconte-nous ça, qu'est-ce que c'est? Alors, la super visuelle. Ça, donc la bio de Joss Whedon, traduite en VF chez Glénat, qui est sortie en 2016. On en parlait tout à l'heure avec Carole, toi t'avais la version en anglais. C'est, qui était sortie en 2014. 2014, mais que j'avais acheté à Londres dans un super magasin qui s'appelle Forbidden Planet, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ouais, c'est vachement connu. C'est en français, c'est beaucoup plus compréhensible. Déjà, première critique, hein, c'est très important. Là. VO forever. Mais là j'ai compris tous les mots. Là j'ai compris tous les mots, c'est quand même. Donc ça retrace la vie de Joss Whedon, de son enfance à New York, auprès de son père scénariste de télévision et de sa mère professeure d'université féministe, qui se défend pour le droit des femmes, et qui ensuite on s'attarde sur les années lycée de Joss en Angleterre, parce qu'il a fait le lycée en Angleterre, et c'est hyper intéressant toute cette partie. À Winchester, voilà, en Angleterre, c'est là qu'il découvre le théâtre et qu'il se passionne pour Shakespeare. Et ces deux chapitres, mais en fait, c'est pas vrai, c'est bon, les 5-6 premiers. C'est hyper pointu, hyper détaillé. Et c'est annonciateur de tout le reste du bouquin, et ça c'est vraiment génial. Parce que juste après ça, Joss revient aux États-Unis et se met à travailler pour la télévision. Alors avant ça, on apprend une info très importante, que Joss a fumé de la marijuana et qu'il prenait du LSD en allant à des concerts de rock quand il était jeune. Comme c'est un petit côté Reaper. Exactement. Ça c'est quand même assez impressionnant. Ouais. On apprend, on le disait à la fois, mais que Joss fait des blagues pour s'intégrer auprès des Anglais parce que Joss est assez timide. Qu'il était champion d'escrime, comme toi, Riley, aussi. Donc, juste après, quand il revient à New York, c'est là qu'on rentre dans la grosse partie du livre. C'est ce qui est vraiment le plus intéressant du bouquin, c'est toute la création de Buffy. Je suis allé un peu vite, mais il y a toutes ces histoires de script docteur, quand il écrit le film Buffy. Mais la fac aussi, fac où il rencontre sa prof de cinéma, ouais, et il apprend plein de choses. Surtout, il était à la fac avec Michael Bay. Ah oui, c'est marrant. Et donc, à la fin de leur cursus, ils font un film de fin d'année. Et il dit objectivement que le film de fin d'année de Michael Bay est meilleur que le sien. J'ai trouvé ça très drôle. D'ailleurs, le sien, qui est une histoire d'un couple avec un vampire. Enfin, à la fin, on découvre que le mec est un vampire. Je crois que c'est ça. J'ai oublié. Bon, c'est un truc comme ça. Mais il est un peu annonciateur de Buffy. Et ça, surtout, il est déjà obsédé par les mêmes trucs. Il ne veut pas que les gens voient ce film. Oui, il l'a interdit. Ouais. Qu'il déteste. Voilà. Et comme il voulait pas d'ailleurs que. Il le dit plus tard, ça, mais qu'il voulait pas que les gens voient le pilote de jamais Buffy diffusé, qui 20 minutes et qui était quand même été mis sur YouTube. C'est surtout là où je veux en venir, c'est que le. Pendant 200 pages à peu près, c'est les coulisses de Buffy. C'est un truc de fou, c'est absolument génial. On apprend tout. Ouais, c'est le gros morceau du bouquin, c'est très cool. C'est limite jour par jour la production de Buffy. J'exagère un peu, mais c'est vraiment ça, saison par saison. Toutes ses relations avec les scénaristes, comment ils ont construit la série, les thèmes qu'ils voulaient exploiter, sa façon de bosser. Il savait exactement ce qu'il voulait, mais il a jamais fait de série. Comment il rencontre les gens. Il rencontre David Solomon, qui est un des grands réalisateurs de Buffy. Et David Solomon lui dit mais moi quand je fais le montage je regarde pas le scénario. Alors, voilà, parce que, en fait il rencontre David Solomon au moment où il cherche un monteur pour le fameux pilote, le pilote de 20 minutes qu'il doit présenter, qu'il a tourné, et il cherche un monteur pour ça, et donc c'est son agent, je crois, qui le met en relation avec David Solomon. Ils déjeunent ensemble et David Solomon lui fait moi je suis monteur, je t'explique comment je travaille, moi je lis pas le scénario. Je monte au feeling. Du coup, je ne lis pas les directives du réel ou quoi que ce soit. Je regarde les séquences, je monte à ma sauce et après, je fais un premier jet comme ça. Et au sortir de ce rendez-vous, Joss Whedon se dit, mais je déteste ce mec. Mais ce mec est scandaleux. Il appelle son agent. What a motherfucker. Il dit, mais je déteste ce mec, je veux pas savoir et tout. Et puis après, l'agent fait le contact avec l'autre. Et après, il se revoit. Et David Solomon met un peu d'eau dans son vin. Il dit, mais non, mais je disais ça, mais bon, oui. Solomon est vachement expérimenté, contrairement à Joss Whedon. Voilà. C'est ça qui est génial dans le bouquin aussi, c'est tout l'apprentissage qu'il y a autour de Buffy. C'est qu'à chaque saison, à chaque épisode, chaque rencontre, Joss, il grandit, il apprend, alors qu'avant, il se prend que des claques avec tous ces scénarios qui sont rejetés, le film Buffy qui est pas comme il imaginait. C'est vraiment génial. Quoi. Tim Ménard aussi, qui a l'air génial, qui a l'air d'être un super rebelle en fait, que moi je connaissais pas trop, enfin que j'avais vu. Qui devient showrunner sur Angel après David Greenwald. D'être un gros rebelle, un peu au départ un peu ingérable. Il a peur que ce mec devienne ingérable et finalement qui a de pures idées. Et enfin c'est vrai que toutes ces rencontres sont passionnantes à lire dans la biographie, comme tu dis. Ouais, tout à fait. Et puis il y a plein, donc il y a des témoignages. C'est pas en fait, on en parlera peut-être après. On en parlera après, mais ouais, c'est Joss ne parle pas beaucoup. C'est surtout des gens autour de Joss qui ont bossé avec lui, qui l'ont rencontré, qui évoquent sa façon de bosser. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc comme disait Timina, et il y a aussi beaucoup de passages sur son travail avec les comédiens, les relations avec les comédiens. C'est toujours sous-entendu qu'il y a un problème avec Sarah Michelle Gellar et tout ça. Ça, c'est jamais dit clairement. C'est vachement sous-entendu et qu'au contraire. Plus tard dans le livre, il évoque il fait des après-midi de Shakespeare en fait avec tous les comédiens du Whedonverse en fait qu'il rencontre à chaque fois. Oui, alors ça, je sais pas si on l'a déjà évoqué dans le podcast, mais c'est quelque chose que beaucoup de fans sont au courant. Donc l'épisode One for With Feeling dont on parlait, puis plus tard son film Machado But Nothing sont tirés de ça. C'est qu'à un moment donné de sa vie, il s'est mis à inviter des amis comédiens ou scénaristes. Ou voilà, le dimanche soir chez Jane Spencer qui jouait aussi tout ça. Et ils se faisaient entre eux des lectures de textes chez des lectures jouées en fait, ils ont voilà. Et des lectures. Et au fur et à mesure de ces lectures, se sont dues des choses et à un moment donné Jazz Master s'est mis à jouer de la guitare, Tony s'est mis à chanter. C'est dans ces moments-là qu'il a pris conscience de tous les talents de ses comédiens en fait, voilà. C'est des moments aussi où il les testait, voir ce que pouvait aller, voilà, leur donnant un bon petit verre de vin, vas-y, prends ce texte, prends la guitare et les tester toute l'après-midi. Parce que c'est vrai que dans les moments de tournage, il a pas forcément le temps, d'échanger autant avec eux et qu'on est à l'efficacité. Il leur raconte aussi un plan de travail à respecter. Donc là, c'était des moments où il les découvrait autrement. Ouais, et il le raconte au fur et à mesure du succès de la série. Il se retrouve à faire d'autres projets, donc il y a Angel déjà qui lui prend beaucoup de temps, donc il prend des scénaristes, il délègue, après il se lance à fond dans Firefly, il travaille vachement sur le dessin animé Buffy qui a jamais été fait finalement, et que du coup les gens petit à petit se détachent de Joss Whedon et il essaie de trouver des collaborateurs. C'est le plus grand problème de sa vie, c'est qu'il a apparemment beaucoup de mal à déléguer et à faire confiance à d'autres gens. Et à chaque fois, dans le bouquin, c'est bien raconté. C'est qu'à chaque fois qu'il cherche un successeur, entre guillemets, quelqu'un pour gérer sa série, sa place, il lutte quoi. Il a du mal. Les premières rencontres, c'est pas mal. Et en même temps, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il arrive à déléguer. Parce que finalement, il s'engueule avec les gens, mais il y a un vrai esprit Whedon. Parfois, il se trompe. Même si parfois ils sont. Peut-être qu'on peut considérer que l'esprit de Whedon n'est pas dans le travail de Martin Oxon. Il y a quand même plein de collaborateurs. Moi, je trouve qu'il y a une famille Whedon qui est assez incroyable. Et s'il y a du mal à la construire, il y a une vraie communauté d'esprit. Il y a une famille. Et c'est assez rare, justement, d'avoir un ensemble de séries qui soient aussi cohérentes, qui ont été développées dans un temps aussi bref. Il a pas. Et il y a un problème relationnel, quand même, parce qu'il y a des gens, genre Tim Minard, c'est lui qui raconte ça. C'est. Quand il crée Angel, il y a une sorte de rupture entre les scénaristes de Angel et de Buffy. Ah oui, ouais, ils ne sont pas considérés de la même manière. Et ils ont chacun leur étage. Ils ont chacun un étage, mais ce scénariste, Tim Minard, qui explique très bien pourquoi, qu'il a l'impression que Joss était mal à l'aise avec les scénaristes d'Angel. Il prend l'exemple d'une fête où ils sont pas invités alors que tous les scénaristes de Buffy sont invités. Et c'est parce que Joss n'arrive pas à exprimer clairement ce qu'il veut et n'arrive pas à déléguer à ces gens-là, à leur faire confiance pour faire cette nouvelle série qui fait partie de son univers. Ça, c'est des trucs à la con qu'il y a dans tous les univers professionnels. C'est des trucs qu'on sait pas, aussi émotionnel à son travail et tellement personnel que oui, se détacher d'un projet comme Buffy, je pense que c'est extrêmement difficile. Et moi, je trouve que malgré tout, ça a quand même quelqu'un qui est tellement addict au travail que c'est incroyable d'avoir réussi à être sur autant de projets d'affilée. Et malgré tout, sur ces différentes séries, il n'a pas réalisé par exemple tant d'épisodes de Buffy que ça. Sur cette saison, il en réalise une vingtaine. Donc c'est bien la preuve qu'il arrive à déléguer. Enfin, il est partout et qu'en même temps, il a besoin de faire confiance. Mais c'est tellement, je sais pas, c'est quelque chose qui vient tellement des tripes que je pense que c'est impossible de laisser le bateau complètement. Mais il arrive ça, à. Il n'avait jamais réalisé avant Buffy d'esprit, aussi. Voilà. Il apprend aussi lui-même. Il se considère peut-être plus scénariste, enfin showrunner, que réalisateur. Ça, c'est sûr. D'abord, c'est d'abord un homme d'écriture. On est bien d'accord. Ouais. Son premier métier, c'est scénariste. Voilà, c'est vraiment le début du bouquin qui m'a le plus passionné, parce que là où il apprend son métier de scénariste. Par contre, il a eu de la chance d'avoir un père scénariste, donc il lui a fait rentrer dans le métier. Peut-être facilement. Beaucoup plus facilement que quelqu'un qui venait nulle part. Donc, sa première expérience sur Roseanne, le sitcom, où ça s'est très mal passé, mais pas forcément de sa faute, parce que. Non, parce que Roseanne, l'actrice principale, productrice principale, était obsessionnelle. Et voilà, et puis il découvre ce que c'est le travail de fabrication d'une série audiovisuelle. Donc, c'est des luttes aussi d'influence. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il découvre un milieu de contrainte. Il apprend ce qu'est la contrainte, ce qui est très important quand on fait de la télévision. Et ça, c'est hyper formateur pour la suite. Quand on va écrire très vite et quand on écrit sur une sitcom comme Roseanne, il faut écrire très rapidement, être hyper réactif. Puis il parle aussi de Speed, l'expérience de Speed, parce que quand tu commences à t'intéresser à Joss Whedon, tu apprends très vite qu'il a écrit Speed. Sauf que quand tu regardes Speed, tu te vois son nom nulle part. Et là, il t'explique que oui, en fait, c'est un premier mec qui avait écrit le scénario et lui est arrivé après, qui a tout refait, mais pour des histoires de droit, pareil, de syndicat, tout ça, il n'a pas eu le droit d'être crédité alors qu'il avait écrit mais 90% des dialogues. Et ça, ce cas-là se reproduit très souvent au cinéma, à la télévision américaine, comme en France, que des gens développent des projets, que ce ne soit pas leur nom au final qui apparaissent. Et tout ça, tu t'aperçois que c'est super formateur pour après, quand il va être à la tête de sa propre série, il va tirer des leçons de toutes ses expériences. Et aussi, il y a un détail intéressant, c'est qu'il y a toute cette période où il écrit des choses qui ne seront jamais tournées, comme cette période. Et ça c'est génial, c'est un truc. C'est énorme métier de scénariste, d'écrivain, de créateur. Il faut dire aux gens aussi, c'est que la moitié, même plus de la moitié du travail d'un scénariste, c'est écrire des choses qui n'existeront jamais, qui seront jamais tournées. Je pense que c'est 90% du travail d'un scénariste. C'est peut-être même plus. Un scénariste aujourd'hui, tu me rends triste, mais t'as raison. Non mais voilà, quand un scénariste réussit à vendre un projet aujourd'hui, en tout cas je parle pour le cas français, il place un projet, il en a une dizaine d'autres dans sa sacoche pour montrer justement l'ampleur de ses capacités pour le cas ricain, dans différents genres, dans différents formats. On avance sur Joss Whedon. On peut parler de Joss Whedon pendant des heures, sinon c'est pas. Est-ce que est-ce que tu conseilles nos auditeurs de lire ce bouquin? Allez, j'ai pas fini parce que justement il y a un truc qui... non, le bouquin est génial, hein, il faut le lire absolument. Il y a un truc qui est moins bien, c'est que dans la deuxième partie du bouquin, après Buffy en fait, c'est beaucoup plus survolé, j'ai envie de dire. Amy Pascal va moins dans les détails. Genre par exemple quand elle parle du travail de Joss chez Marvel avec les comics, il a fait ça, il a toujours voulu écrire depuis qu'il est petit les X-Men. Ça c'est très dommage, et ça continue sur Dollhouse, sur Dr. Horrible. On n'est que des trucs en surface qu'on connaît déjà en fait, alors que les coulisses sur Buffy sont passionnantes et totalement inédites. Et ça c'est franchement dommage. En plus le bouquin il part un peu dans tous les sens, c'est qu'au début c'est très chronologique, puis d'un coup ça devient il parle politique, il y a un chapitre sur la politique et Joss Whedon, un autre sur le féminisme et Joss Whedon, un autre sur c'est la grève des scénaristes. Non mais ça peut se comprendre, la construction du livre, il faut bien trouver des chapitrages, des thématiques. Ouais mais pourquoi le bouquin est chronologique au début et thématique à la moitié? Parce que par exemple pour son rapport aux comics, ça a été très sporadique. Justement, il y a eu les comics Buffy. Après, on l'a appelé pour les X-Men. Après, il y a les Avengers. Donc, t'essayes de regrouper ça dans un tout. Moi aussi, je trouve que la deuxième partie est un peu moins intéressante parce que c'est beaucoup plus factuel, beaucoup moins anecdotique. Ça va jusqu'au Avengers 1. Ça, voilà. Après. Et surtout, il y a un gros problème au bouquin. Non, je sais pas si c'est un gros problème, si. Mais c'est que forcément, elle interroge des personnes plusieurs années après, à un moment où maintenant tout le monde est au courant que Joss Whedon est une méga star, un génie absolu, tout ça. Et donc les gens, tout le monde dit que c'est un dieu vivant, voilà. Que c'est voilà. Un génie, qu'il est plus beau, le plus fort, le plus grand. Et ça, c'est un peu énervant parce que. Au bout d'un moment, quand on te le dit toutes les pages, ouais. Que Joss c'est le meilleur, c'est relou quoi. Il y a un petit côté à géographie qui te dit ouais, bon bah j'ai compris, mais est-ce que vous dites vraiment la vérité les mecs quoi, enfin tu vois, est-ce que bah ça fait un peu promo, enfin c'est pas promo mais c'est ouais, il brosse dans le sens du poil, il y a jamais de remise en question, même quand il parle des engueulades de Joss, t'as l'impression que c'est toujours Joss qui a raison, c'est l'autre qui a tort. Voilà. Et ça c'est franchement dommage, même si sa vie est passionnante, ce mec c'est il est génial, mais il a le droit d'avoir tort quand même, c'est un humain quoi. On verra pas ses défauts dans ce bouquin là en tout cas. Il faut dire autre chose. Non. Et juste pour conclure, on en parlait avec Carole tout à l'heure et avant le podcast. C'est que là, c'est pas du tout thématique et analytique sur Buffy, tout ça. C'est vraiment très factuel sur comment on crée une série en fait. Et tu parlais d'un autre bouquin qui était plus analytique sur Joss Whedon et sur son œuvre. Une autre biographie de Joss Whedon, c'est Joss Whedon, The Complete Companion. Et donc c'est The TV Series, The Movies, The Comic Books and More. Donc c'est un livre en anglais, je ne sais pas s'il existe une version française. Et là, pour le coup, c'est vraiment un livre aussi d'analyse donc des séries, des films, des comics books. Donc vraiment une plongée complète dans l'ensemble du Whedonverse, dans la connexion entre tous les différents travaux de Whedon. Orjan, on va passer à toi. Je crois que tu voulais nous parler d'une série, c'est ça? Oui. Alors attention, genre, une série de l'amour. Alors, oui. Dis-nous de quoi ça se passe. Ça s'appelle Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Alors dis-nous de quoi ça parle. Qu'est-ce alors, que c'est? C'est incroyable. C'est complètement dingue parce que c'est basé sur une nouvelle de Douglas Adams que nous aimons tous. D'accord, que je ne connais auteur pas. Auteur d'H2G2. Ah très bien, d'accord. Et voilà. C'est un roman. Et oui, romans. Complètement un écrivain de génie qui a créé également un personnage génialissime. Deux détectives holistiques. Donc c'est un anti Sherlock Holmes, ouais. Complètement. C'est un mec qui se base sur l'interconnectivité de toute chose. Et en gros, on pourrait imaginer ça comme un excentrique qui va de coïncidence en coïncidence jusqu'à tomber sur une affaire, un cas, et qui va ensuite continuer de coïncidence en coïncidence jusqu'à trouver des indices et différents éléments qui vont lui permettre de résoudre le cas. Et donc, c'est quoi? C'est il y a un détective privé, deux détectives. Parce que moi j'ai vu le premier épisode. Alors, en fait, ouais, je crois qu'il y a un détective et qui alpague un peu un autre mec. Voilà, en fait, si tu veux, on part sur un loser. Je veux pas Elijah Wood. Voilà. Qui a donc, une vie de merde. Voilà, t'as Frodon qui a une vie de merde dans le réel de New York des années actuelles. Il a une vie de merde. Et il a en plus de ça une journée de merde. Oui, voilà. Et oui. À la fin de sa journée de merde, eh ben, t'as un connard qui est sapé en mode Doctor Who, mais vraiment trop cheap. Un Doctor Who cheapos. Et qui arrive et qui lui dit: oui, je suis Dirk Gently, je suis un détective holistique, machin, et toi, tu es mon assistant et tout. Et nous sommes destinés à être l'un avec l'autre, n'est-ce pas, machin. Et le mec lui dit: non, mais attends, mais qu'est-ce que tu as fumé? De quel genre d'arbre s'agit-il? Et je dis non, mais attends, mais c'est complètement méta et tout, t'as rien compris, machin. Et ça part sur une histoire complètement dingo. Et plus tu avances, plus ça devient le what the fuck le plus complet, et plus tu te rapproches de la fin de la série, plus tout a du sens. Et c'est là tout le génie de Douglas Adams. Donc c'est une série anglaise, c'est ça? Une série anglo-américaine. Combien d'épisodes? 8. D'accord. Le point commun avec Buffy, c'est que tu possèdes de réels personnages féminins. Et c'est ça ton point commun avec Buffy? C'est un peu léger, non, pas seulement. Pas seulement, c'est le génie d'écriture. C'est la létalité intrinsèque du scénario qui se suit de manière absolument géniale d'un épisode à l'autre. C'est bien écrit, donc les fans de Buffy vont aimer, alors, c'est ça. Ah oui, c'est très très bien écrit, c'est ultra bien dialogué, et on a des vrais persos féminins, et pour une fois, ça fait plaisir d'avoir des personnages secondaires féminins plus forts. Il a une sœur, non, c'est pas ça, Frodon, il a une sœur. Alors, il a une sœur, et il y a également un autre personnage de fliquette, de flic femme, badass. Ah oui. Et en fait, elle et la sœur de Frodon sont 10 fois plus badass que l'ensemble des mecs de la série au carré. Qui a vu Dirk Gently là? Personne. J'ai failli commencer, je m'y suis pas mis, mais du coup, tu m'as convaincu. Ah oui. Merci. Dirk Gently. C'est dans ma liste. Détective. Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Ouais, c'est un titre extrêmement long quand même. Ça, c'est pas très. C'est ultra stylé. Pas très c'est commercial. From BBC America. Ouais, mais ouais. Tu peux aussi dire Dirk Gently. Ça ne reprend pas vraiment les romans, c'est ça, c'est des histoires. Alors, c'est un poil plus complexe parce qu'il a fallu l'adapter pour le télévision. Et donc, du coup, il a fallu faire des sacrifices. Et du coup, c'est vrai, tu marques un point, Riley, parce qu'en termes de scénaristique, il y a des creux scénaristiques et narratifs qui ne sont pas comblés par ces pauvres. Ces 8 épisodes seulement, n'est-ce pas, de série. Dans le bouquin, c'est vachement plus dense. C'est bon. Fébé, on t'a laissé réfléchir un petit peu. Est-ce que t'as trouvé éventuellement, ou pas, t'es pas obligé, hein, un coup de cœur en rapport avec Buffy ou pas du tout? J'avais déjà pensé justement à Orphan Black par le fait que. Tu le fais très bien, Fébé. Là, j'avais parlé. C'est vrai que cette série m'avait. Enfin, il n'y a pas vraiment beaucoup de points communs avec Buffy, mais il y a quand même le fait qu'elle soit l'idée par une femme. Qui en joue plusieurs justement et qui crée un groupe à elle seule. Et j'ai beaucoup aimé Orphan Black et je la compare à Buffy dans le sens où la qualité de l'écriture, en tout cas jusqu'à la saison 3 je dirais, est similaire je trouve. Mais après c'est complètement subjectif. Moi je suis complètement d'accord avec toi, mais je trouve que c'est une série par exemple qui a beaucoup à voir avec Dollhouse, avec le personnage d'Echo. Il y a même une similitude physique entre Tatiana Maslany et Lisa Dushku, donc c'est plus Dollhouse que. Donc ça vaut le coup de regarder Orphan Black, les copains. Quel est ton système Buffy? Tu vas aimer ça, Carole? C'est grave. Alors, système Buffy, tu vas aimer le fait que Joe Dante, le papa des Gremlins, sera à Paris au mois de mars. À la Cinémathèque, dans le cadre du cycle Toute la mémoire du monde, où il viendra pour échanger avec le public pour plusieurs projections de ses films, L'aventure intérieure, Le Mans, Les Gremlins. Et il sera là aussi pour une masterclass le 4 mars à 14h. Donc s'il y a encore de la place, ruez-vous pour y assister. Voilà, c'est un truc assez phénoménal. Il y a plusieurs fois où il devait être présent sur des festivals en France, en Europe, où il n'a pas pu être là puisqu'il a quand même un certain âge, où il a parfois fait des duplex via Skype, et là donc il va être présent pour plein de projections, donc faut en profiter. C'est à mort, bien. Quoi. Mais oui, Joe Dante. Voilà, et puis je voulais en profiter aussi pour dire que le prochain numéro de Clap, mon cher magazine consacré au cinéma et aux séries, sera dans lequel je viens de travailler, n'est-ce pas, sera en kiosque à la fin du mois de février, et qu'on consacre un dossier spécial au cinéma fantastique. À une jeune réalisatrice française que Sartman aime beaucoup, et il a eu un vrai coup de cœur pour son film. C'est Julia Ducournau, la réalisatrice du film Grave, dont on entend beaucoup parler ces derniers mois. Il sort en mars. Absolument aller voir en salle. Le film sort le 15 mars. Ouais. Ok. Et Grave, donc transition incroyable, Sartman. Grave, le 15 mars. Alors attends, oula, je suis pas prêt du tout. Il a pas mis son casque. Donc maintenant, on va passer à la rubrique. Si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que tu vas aimer ça parce que ça n'a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Hey Scotty, you find anything? Scotty! Scott! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? See how good my finger was. That is the stupidest thing I ever heard of. Alors, j'ai cru comprendre donc que vous aviez évoqué le prochain clap dans lequel vous avez interviewé la formidable réalisatrice Julia Ducournau. Tout à fait. Dont je suis complètement amoureux. Hein. Depuis que j'ai vu ce film Grave, j'ai eu la chance de voir ce film au festival au Paris Fantastique, Paris International Fantastic Film Festival, aussi appelé PIF. Pour les connaisseurs. Donc c'est un film français, franco-belge, et un financement franco-belge. La réalisatrice est donc française. On l'a déjà évoqué rapidement dans un dernier podcast parce qu'on était sur le cul après l'avoir vu avec Clément. Je vais pas vous montrer de bande-annonce, enfin à vous qui êtes en live avec nous. Sur le cul. Allez, à voir. Parce que je veux pas. Parce que t'as un problème avec les mots. Parce que pas de spoiler, parce que c'est le mindfuck, parce que c'est incroyable, il faut le voir en entier du premier coup. Parce que je vous explique, moi je l'ai vu sans rien savoir de ce film, et je pense que ça fait partie du fait que je sais bien. Que j'ai aimé le film sans. En étant surpris à chaque moment de ce film, je savais pas du tout de quoi ça allait parler. Et c'est, ça fait partie du du bagage, du fait que ça m'est plu. Donc je vous invite à le découvrir sans avoir vu, parce que moi j'ai pris une claque cinématographique comme j' ai rarement pris après avoir vu ce film. J'ai mis quelques temps à s'en remettre, mais je vais quand même vous donner quelques infos. Donc c'est le premier long métrage de Julia Ducournau, une réalisatrice qui arrive enfin à mixer quelque chose qu'on arrive très peu à faire en France, c'est-à-dire que c'est du film d'auteur française, comme on sait faire, avec un excellent traitement des personnages, de leur bagage, de ce qui véhicule tout ça, mais tout en étant stylistiquement très orienté, et parfois on est dans le film de genre, parfois on est dans le teen movie, parfois on est presque à deux doigts du gore. C'est un film qui mélange vraiment plein de choses, et il y a plein de thématiques qui sont clairement identifiées, mais sans que ce soit trop de la branlette intellectuelle. Il y a le passage à l'âge adulte, il y a trouver sa place au sein d'un groupe, il y a le bagage familial, il y a le rapport au corps, l'évolution du corps. Tout ça s'est traité dans ce film, hein, d'une heure et demie, hein, c'est magnifiquement fait. Mais je vous le répète, sans qu'il y ait besoin de se prendre la tête comme dans un gros film d'auteur où il faut réfléchir et tout, c'est traité avec beaucoup de subtilité et pas besoin non plus d'interpréter mille fois les choses. Tout est très clair. Alors je vous explique quand même l'histoire en deux mots. C'est l'histoire d'une jeune fille qui commence ses études de vétérinaire. Elle est végétarienne. On apprendra plus tard que ça a un intérêt. Toute sa famille est végétarienne. Elle est fille et sœur de vétérinaires, donc ils sont tous véto dans la famille. Et donc elle débute son école de véto. Et donc durant sa première année, beaucoup de bouleversements vont s'effectuer dans sa vie comme dans son corps. Elle va changer et aussi dans son rapport à la chair. Je vous dis, elle était végétarienne, mais elle va changer de son regard par rapport au corps, par rapport à la chair, va changer. Et je veux pas en dire plus, parce qu'il n'y a pas, déjà il n'y a pas besoin d'en dire plus, le film s'exprime très bien par lui-même. Je peux vous dire par contre que tous les comédiens sont excellents, et comme souvent, c'est meilleur que moi. Quand tous les comédiens sont excellents, ça veut souvent dire qu'ils sont extrêmement bien dirigés. Oui, absolument. Donc la comédienne principale s'appelle Garance Marillier. Tu me l'as vendu ton film, j'ai trop envie de le voir. Mais il faut le voir, va le voir. T'as l'air de déchirer ça. Va le voir. Alors après, je vais... En parésie. Non, ça défonce un maximum. Dans la chambre de sa grand-mère. La comédienne principale est fantastique. Donc le film a fait un peu la tournée des festivals et il continue, ça a gagné des prix partout. Ils ont eu un prix à la semaine de la critique à Cannes. Ils ont été sélectionnés, en fait, la première fois que le film a été vraiment repéré et mis en valeur, ça a été par la semaine de la critique à Cannes, et ça a été le début d'une grande aventure depuis le mois de mai dans plein de festivals à travers le monde. Ouais. Le film a fait vraiment un gros buzz à Toronto en particulier. Ça commence même à énerver certains pisse-froids, hein, parce que forcément, un film qui plaît autant, bon, il y a des gens, un film qui a tellement de hype, qui était fait par une meuf de la Fémis aussi. Il y a forcément des gens qui vont vouloir dire que oh non, c'est pas bien, voilà. Donc on va commencer à forcément avoir quelques voix dissonantes qui vont faire leur apparition, mais faut pas les écouter. Allez-y, allez vraiment voir ce film. Ils sont pas critiques, ces gens-là. Pour avoir, non, mais je veux vraiment que vous fassiez votre propre opinion. Par contre, c'est la dernière chose que je veux évoquer en parlant de ce film, c'est que c'est malgré tout pas un film tout public. Sans que ce soit forcément gore, ultra gore ou violent, il y a certaines scènes qui sont extrêmement dérangeantes, et dérangeantes, je pense que c'est le meilleur qualificatif. On n'est pas dans du malsain. Non, mais on sort de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma en termes de représentation, et on dépasse un petit peu la question justement de l'interdit, jusqu'où on peut aller en termes de représentation par rapport à ce qu'on est habitué et à accepter. Qui te fait rentrer complètement en empathie avec les personnages, qui fait que certaines scènes qui sont pas forcément ultra impressionnantes visuellement. Tu vas les ressentir dans ta chair aussi. Voilà, c'est une expérience corporelle, ouais. Très très très prenante. J'étais en empathie totale avec les personnages, et donc ce qui leur arrivait, je le vivais, mais pleinement. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est pas à mettre entre à tous les regards. Si vous êtes un peu trop sensible, si vous avez tendance à sursauter au moindre film d'horreur, peut-être que c'est pas trop fait pour vous. C'est un film qui prend vraiment aux tripes, mais qui vaut l'expérience, qui vaut vraiment le coup. Enfin, moi ça m'a suggéré, ça a été une vraie pure expérience de cinéma comme j'en ai rarement vécu, donc grave. Je le rappelle, ça qui sort donc le 15 mars, on a dit, hein, c'est ça? Tout à fait. Le 15 mars en France. Pas force, je sais pas si ça sortira dans beaucoup de salles, mais allez-y, à fond, à fond. Ryler, allez, vas-y, toi. C'est à moi? Ouais. J'ai pas vu grave, moi, je sais pas. Hein. Non, toi, tu voulais nous parler d'un livre. Ah, on voulait parler de bon film. Non, tu voulais parler d'un livre, je crois. Tout à fait. Alors, figurez-vous que j'ai appris à mon grand désarroi que les gens ne savent pas qui est Orson Welles. Vous savez qui est Orson Welles autour de la table? Bonsoir, c'est moi, Orson Welles. Et ceci que vous voyez derrière moi est ma maison. C'est beau, hein? C'est français. Référence à le grand détournement. Tout à fait. Absolument, vous avez tout compris, mes petits lapinous. Et donc, j'ai découvert que les gens ne savent plus aujourd'hui qui est Orson Welles, donc c'était très énervant. Voilà. Non, est-ce que. Alors, c'est. Je remets dans le contexte. Merci, Sartan. Riley a une conversation avec quelqu'un où je sais plus de quoi c'est dit, mais un jour il s'est dit mais Orson Welles, les jeunes d'aujourd'hui, les cinéphiles ne savent pas qui est Orson Welles. Alors que pour nous qui sommes peut-être dramatique. Un peu plus vieux, on est Orson Welles, c'est le plus grand cinéaste de tout le temps. Exactement. Orson Welles, le plus dangereux pour compte tous les héros. Au moins de nom, enfin. On cite souvent Citizen Kane comme étant le plus grand film de l'histoire du cinéma. C'est un film à voir absolument. Moi, je continue de rabâcher les oreilles de mes étudiants pour voir ce film qui reste d'une actualité incroyable. Et le Riley, donc avec sa grande influence qu'il a sur Twitter, a lancé un sondage. Et vous l'avez demandé aux gens, savez-vous qui est Orson Welles? Les gens, à 60%, ont répondu non. À sa grande surprise, il s'est rendu compte que. C'est triste. Que les gens ne savaient pas. Oh les cons! Oh les cons! Et donc, il y a peut-être un problème de générationnel aussi. Tout à fait. C'est pas forcément de. Il faut réhabiliter Orson Welles, tout simplement. Est-ce qu'on peut un petit peu recentrer le débat, s'il vous plaît? Merci, Carole. Que Orson Welles serait quand même une référence fondamentale du cinéma américain international. C'est le maître. Après, je pense que peut-être, oui, les plus jeunes générations, celles qui sont pas forcément cinéphiles, le connaissent moins. Mais qui s'intéresse un petit peu au cinéma a forcément entendu parler d'Orson Welles, n'a peut-être pas vu Citizen Kane parce que justement on lui a rabattu les oreilles de ce film là, mais il y en a d'autres à voir, il y a le troisième homme, il y a plein de choses. Le troisième homme, c'est pas lui qui réalise, il joue dedans. Mais il y a plein de films dans lesquels il a une importance, capitale, qui ont marqué l'histoire du film. Donc si vous n'avez pas vu Citizen Kane, La Dame de Shanghai, La Soif du Mal, Le Procès, le procès, et allez les voir s'il vous plaît, respectez-vous, arrêtez le podcast et allez voir ça. Et des films comme Othello et Macbeth, donc Point commun avec Joss Whedon, c'était aussi lui aussi un grand fan de Shakespeare. Shakespeare. En gros, il a réalisé que des chefs-d'œuvre. On l'appelle Shakespeare dans le milieu. C'est là où je vous parle de ce bouquin, c'est qu'en fait c'est une sorte de biographie non officielle. C'est surtout des entretiens qui sont faits par Peter Bogdanovich, qui est lui aussi un réalisateur des années 70 américain, d'abord un critique cinéma qui est devenu réalisateur, qui a réalisé La Dernière Séance notamment. Et donc pendant 15 ans Bogdanovich rencontre Orson Welles et il s'enregistre. Il parle de ses films, de sa façon de concevoir le cinéma au sens large, de sa façon de réaliser ses propres films, de son rapport avec les comédiens, de son boulot à lui en tant que comédien. Et ça parle de toutes ses passions, de Shakespeare. C'est hyper sincère en fait. Et c'est ça qui est le mieux dans ce livre, c'est que c'est à la différence du livre sur Joss Whedon de tout à l'heure, c'est que là c'est lui qui parle vraiment. C'est des entretiens, des interviews sur 20-25 pages à chaque fois, qui sont à des périodes précises de sa vie. Et, donc il revient sur les écrivains russes, ce que c'est la drogue, l'usage de la drogue pour lui et ce que ça peut apporter ou pas. De la magie, il parle aussi de, comme Joss Whedon dans le livre, des films qu'il n'a pas fait. Et là, Orson Welles, ce qui est encore plus fou, c'est que les films, il les a fait avant dans sa tête. Il sait déjà comment il va faire. Donc il parle de Au cœur des ténèbres, qui a été adapté après Apocalypse Now, c'est une adaptation de Au cœur des ténèbres. Et en plus, il a carrément fait un film qui s'appelle Vérité ou mensonge en français, F for Fake, qui traite d'un peintre qui fait du plagiat d'œuvres connues, qui n'a pas vraiment existé. À Ibiza, enfin, c'est une histoire, c'est en fait toute l'œuvre, une grande partie de ces thématiques fortes, c'est qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est du mythe et de la légende, et qu'est-ce qu'il faut, qui vaut le coup de raconter et ou pas. Qu'est-ce que la réalité, est-ce que, et voilà, exactement, final, est-ce que le mensonge n'est pas plus intéressant à raconter que la vérité, en fait. Est-ce que la réalité n'est pas, au final, même un si... rêve à mémoire de forme. Je vous le demande. Tu vas te faire saloper au montage, Arjun, ça c'est sûr. Mais complètement. Là, je viens de dire le truc le plus intelligent de tout le podcast. Alors, s'il vous plaît, ça sera coupé. C'était vachement malin ce que j'ai dit. Et par exemple, Citizen Kane s'inspire d'un vrai milliardaire. J'ai pas retenu, j'ai oublié son prénom, son nom. Mais qui est un vrai milliardaire qui. Murdoch. Murdoch, c'est ça ? Ouais. Et c'est ça qui est aussi passionnant dans ce bouquin, qui est très bien raconté. Et puis dans sa vie en général, c'est que il fait son chef-d'œuvre en premier. Son premier long métrage. Il a 24 ans, c'est ça ? Il a 24 ans ou 25 ans. C'est son premier long, il a tous les droits, il fait ce qu'il veut. Il fait un film de 2 heures où il y a tout qui est. Il crée le flashback. Oh, enfin, il crée pas le flashback, mais il choisit une déconstruction dans l'histoire. Et que ses films suivants vont être une succession d'échecs. Il invente le twist. Il invente le twist, ouais. Il aura de moins en moins de moyens pour faire ses films et il va passer toute sa vie à courir après des producteurs, en fait, à faire le tour du monde. Parce qu'au bout d'un moment, aux États-Unis, il est grillé. Donc il part en Amérique du Sud, il part en France pour faire d'autres films. Il en profite d'ailleurs en voyageant pour faire une série de documentaires qui s'appelle Orson Welles. Around the World with Orson Welles. Merci pour cette traduction. C'est quoi? C'est pas moi. Around the World. C'est le guide du retard de toi. C'est quoi, en c'est vrai, c'est une série de. Pas moi, c'est complètement pas moi, c'est intégralement pas de ma faute. C'est une série de documentaires qu'il a réalisé sur l'affaire Dominici, les corridas à Madrid, sur Saint-Germain-des-Prés, le Pays Basque, la pelote basque. C'est un stagiaire qui a traduit. Allez, c'est... Non, mais il arrive à faire la pelote basque sur sa noix. Ce documentaire sur la pelote basque. Je veux le voir. Il arrive à te parler du mouvement, enfin il trouve toujours, même au fin fond du mini sujet, il trouve toujours quelque chose à raconter. Et t'as jamais vu de la pelote basque filmée comme ça? Ah non, j'avoue non. Et, mais tout est dit dans ce bouquin, donc je vous le conseille, c'est passionnant si vous aimez le cinéma. Et voilà, tout simplement, si vous aimez le cinéma, lisez. Donc oui, donc, lisez moi Orson Welles. Est-ce que voyez ouais, film. Si jamais on a des auditeurs qui connaissent pas trop la filmographie d'Orson Welles, on leur conseille quoi? Touch of Evil, Citizen Kane. Donc La Sauve du Mal, Citizen Kane, La Dame de Shanghai, son documentaire sur la pelote du masque, bien sûr. Non, mais en vrai. Le procès adapté de Kafka avec procès, Anthony ouais. Perkins, ouais. Un film magnifique. Formidable. Je valide ce message. Voilà. Et je pense qu'on a fait un podcast plus long que le Titanic de James Cameron. C'est possible. Mais est-ce que tu il a aussi fait plein de films en tant qu'acteur. Est-ce que tu veux le prolonger encore un petit peu? Mais on va peut-être juste prendre juste une petite minute pour finir sur un petit si t'aimes Buffy. C'est pas sûr. Ça a pas trop de rapport, mais peut-être que tu vas aimer ça. En tout cas, moi j'aime bien, donc je vais t'en parler. Alors, ça s'appelle Good Behavior. C'est une série actuellement diffusée sur OCS. Avec Michelle Dockery, dont vous vous souvenez peut-être pour la série Downton Abbey. Donc c'est l'histoire de Letty Renz, qui est une voleuse, une arnaqueuse de haut vol, qui vient de sortir de prison. Elle veut récupérer son fils qui vit chez sa mère, mais voilà, il y a un mandat contre elle, elle ne peut pas l'approcher à plus de 300 mètres. Ah. Et très vite, ses mauvaises habitudes vont en fait revenir alors qu'elle essaie de se ranger. Elle va se retrouver à pratiquer un peu des jeux de rôle pour continuer à voler jusqu'au moment où elle va se retrouver enfermée dans une chambre d'hôtel où, enfermée dans un placard, elle va surprendre un homme, une conversation dans cette chambre. Il se trouve que cet homme est un tueur à gages qui s'apprête à effectuer un contrat et elle va essayer donc du coup d'aller rencontrer la femme qu'il est censé tuer pour la prévenir qu'elle va se faire zigouiller. C'est un sacré pitch ça. Et évidemment, elle va pas évidemment, elle va se faire choper. Et le drama. Elle va se faire choper et donc il y a une relation assez étrange qui va se développer avec cet homme-là entre donc ce tueur à gages et cette voleuse de haut vol. C'est un personnage assez badass, dysfonctionnel, une nana complètement cassée en mille morceaux qui essaie de se reconstruire. Ouais, et qui joue en permanence plein de personnages différents, qui a une voix incroyable. C'est sorti cette année ? Oui, c'est en diffusion en ce moment sur OCS. Okay. Ça a l'air bien. Une actrice incroyable au premier plan. Et voilà, toute une réflexion sur comment on reconstruit une famille, comment on reconstruit des liens humains quand on a vécu une aventure assez traumatisantes comme celle de la prison. Donc on voit pas du tout cette expérience là, mais on voit une femme déjà qui a un parcours très lourd. C'est aussi une droguée qui essaie de décrocher, donc elle a plein de casseroles derrière elle. Et en même temps, voilà, c'est un personnage qui crée énormément l'empathie tout de suite parce qu'elle est profondément humaine, elle fait plein de conneries en permanence, elle veut bien faire et elle arrête pas de tout foirer. Et elle a une capacité d'adaptation assez incroyable, voilà, comme elle a une addiction aussi au vol, elle a toutes sortes de perruques, de costumes qu'elle met en permanence. Ah, et ce qu'elle aime, c'est qu'elle aime voler, ouais, mais aussi jouer un personnage et écrire un scénario. Donc finalement, c'est une scénariste qui s'ignore. Elle se crée une personnalité, tout un scénario pour réussir à prendre ses proies dans son filet et à réussir à voler bien plus qu'une petite breloque dans un sac à main. Ça se trouve sur HBO et OCS, apparemment. C'est diffusé aux États-Unis sur HBO, tout à fait, et c'est diffusé en France sur OCS, comme je le disais tout à l'heure. On a été pas mal sur ce podcast. On a dit beaucoup de choses. On a été horrible à cause des invités et surtout d'un invité de type masculino bordelais que je n'aimerais pas. Ouais, j'aimerais prononcer deux mots pour la fin de ce podcast. Dis-nous, Carole. Beer bad. Les gens autour de cette table comprendront. C'est vrai qu'au début, ça les autres chez eux, sûrement aussi. Voilà, et puis ça a été, ça c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on a malgré tout fini ce podcast? On va faire 3h30 de podcast. Est-ce que... Oui et oui. Non, parce qu'une fois monté, oui, ce sera vachement plus. Ça durera 3 quarts d'heure, rassurez-vous. Mais là, c'est 3h30. 25 minutes. Non, ouais. Il reste 2-3 personnes sur le chat à qui on peut dire au revoir ou pas du tout? Mais bien sûr, merci au chat, Bigem, qui dit que Carole, c'était un plaisir de t'entendre ce soir dans le podcast. Alors, Carole, merci Bigem, mais au plaisir de te revoir bientôt, sûrement fin mars, je suppose. Oui, on sera tous là fin mars. Ah bah là, s'il y a Charisma Carpenter, il y a des chances que j'y sois. On y va le samedi, d'accord? On dit qu'on va le samedi? Bah s'il y a Charisma, moi j'y suis. Charisma, 2 jours, mais nous c'est samedi. On y sera un maximum. Donc, on se dit au revoir, on se quitte. Vous êtes d'accord qu'on se quitte? Merci à tous sur le chat, merci. Alors attention, je lance le générique de fin. Bonne nuit. Vous êtes d'accord? Mettez-nous des... Vas-y, lance le générique, faut nous mettre des étoiles. Faut nous mettre 5 étoiles. Alors oui, pensez à nous mettre des étoiles sur iTunes. Des commentaires sur iTunes. Des commentaires. Sur le site. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter. Si vous voulez être au courant de tout ce qu'on fait, tous les nouveaux podcasts qui vont arriver très bientôt. Il y a plein de hors-série qu'on n'a pas diffusé. Voilà, on va faire une pause. Putain, j'ai pas fait des réserves. On va faire une pause, mais il y aura des suites. Vous inquiétez pas, il y aura des bonus. À plus. Gros bisous.